IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui oui oui. Non. Et si en fait. Ah, c'est ça qui est dingue. Non, tu m'as chopé. Mais non, mais c'est ça qui est dingue. Oh, l'air sur mon pied. Je suis insaisissable. Je suis insaisissable. Bonjour. C'est la meilleure intro depuis longtemps. Ah ouais. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'un petit chat, d'un petit chiot, d'Adrien Méniel. Ouais, ouais, comment vas-tu, Adrien? Ça va bien. Ouais, t'as un petit manière en forme. Un petit épisode d'après-midi, fait longtemps qu'on n'avait pas fait. C'est vrai. C'est vrai, et là ça fait plaisir. Un petit peu envie de dormir. Ah merde! Non, mais bien, tranquille. Oh non. Non, mais attends. T'es un siesteur? Comment? T'es un siesteur? Ah, je t'ai dit un sister, hein. Je pensais que c'était un nouveau terme que je connaissais pas. Alors nous sommes avec deux invités. Oui. Notre première invitée est autrice, podcasteuse, chroniqueuse et humoriste. Elle rejoint la longue liste des vedettes qui ont un nom à particules, comme Cécile Defranche, Charlotte de Turquem ou Oussine de la Starac. Vous pouvez la retrouver sur scène au Jamel Comedy Club tous les mercredis. Oui. Pour le Random Comedy Club ou sur France Inter dans Zoom Zoom Zen, présenté par Mathieu Noël et en même temps avec elle, c'est un peu Noël tous les jours. Oh. C'est Marie de Bruyne. Oh, excellent, bravo. Bonjour. Comment vas-tu, Marie? Oh là, oui. Ah non, mais c'est tout de suite l'ambiance là. Attends, je suis chaud. Comment ça va? Ça va super, franchement, ravi d'être là. On est toujours content de te recevoir. Et c'est grâce à moi qu'on est là l'après, mais qu'il peut pas faire sa petite sieste. Cet énorme sister. Sister, ouais. C'est bien, ça me confronte à de nouveaux obstacles dans ma vie. Travailler l'après-midi, tu restes sur tes gardes, pas sur tes appuis. Je fais une micro-sieste et après je travaille. Oh là, mais putain, il s'adapte. Hein. Pas si souvent en plus. Notre deuxième invité, c'est un humain biclassé auteur et acteur. Vous l'avez sans doute connu alors qu'il parcourait les donjons de Golden Moustache, où comme tous les autres, il trouva l'aventure mais des coffres désespérément vides. Aujourd'hui, il lance des sorts de storytelling niveau 5 et utilise ses compétences de voix marrante avec bonus de maîtrise dans La Bonne Auberge, où il est le maître de jeu. Faites vite un jet de sauvegarde avec des avantages pour résister à la bonne tranche de rigolade qui vous attend, car cet invité, c'est Lucien Mène. Oh oui, oh là là, la rigolade, merci. Je ris pas à ma propre présentation. C'est Adrien qui l'a écrit parce que fou de jeu de rôle qu'il est, parce que vous faites fou ensemble. De ref, bah oui, bien vous faites la bonne auberge. Dit, voilà, j'ai tenté un petit truc. Ah bah c'est très. Moi réussi, il a fait un jeu beaucoup. De mots avec Noël. Ouais, moins inspiré, mais je comprends. Je suis. Ah, vous connaissez. Je suis moins inspirante. Très galère. Chialer, on se met les doigts au niveau des yeux comme s'il y avait des larmes. Bien sûr, mais ça retient les larmes ou pas? Ou est-ce que ça fait genre comme une petite poire? Genre si tu fais ça après tu fais pfft, il y a beaucoup de larmes qui sortent. Mais déjà ne retiens pas tes larmes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je n'écoute jamais Amel Bent là-dessus, alors qu'il y a plein de bons conseils. Bah oui. Oui, non, parce que la bonne auberge, pourquoi? Parce qu'il y a un. Crowdworking, j'allais dire. Pas du tout le bon terme. Non, ça c'est Redwood Bugarba. C'est vrai, je confonds. Mais si vous faites ça, vous allez insulter des gens. On leur demande d'aller se faire enculer régulièrement. Tous les jours. On dit, allez vous faire foutre. Avec donc, l'accent oui, du sud. Petit crowdfunding là, qui est lancé pour financer la comment on appelle ça, la prochaine. Enfin, pas campagne. Là, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Voilà, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, si vous êtes. Merci de me recevoir pour ça. Mais pas que, c'est aussi parce qu'on est ravis de te recevoir. Mais c'est vrai que. Je suis un ancien. Adrien, c'est un. Voilà, il est dans la bonne auberge, donc c'est aussi bien normal d'en parler. Bien sûr. Au petit aubergine, je connais tout, les gars. Il a toutes les aubergiste. Aubergiste, j'ai pas du tout. T'inquiète. Mais alors, avant toute chose, on va faire le jeu du Floodcast. On a appris la mort de James Harrison à l'âge de 88 ans. Il était connu sous le nom de l'homme au bras d'or. À votre avis, pourquoi? Est-ce que ses bras étaient en or? Toi, ça m'aurait. J'adore. Ça m'aurait cueilli. C'est une très bonne réponse. Ma grand-mère, elle a une dent en or. Moi, mon grand-père, il a un bras en or. Oh, la chance qu'il a. Wow. Ah, c'est les petits qui. Parce qu'ils travaillaient dans le blé, l'or jaune. L'or de la. Ah, c'est non, pas du tout. Du l'or jaune. Est-ce que pas du tout. Il travaillait pas dans le blé. Est-ce que c'était un sportif? Ce n'était pas un sportif. Pas mais genre. Mais ah, c'est pense, pas mal ça. Je pense qu'il devait faire un peu de sport pour faire ce qu'il fait. Est-ce que c'est sexuel? Ce n'est pas sexuel. Ah, là, non. Au bras d'or, il portait des choses. Il portait des choses. Il portait rien. Il était à poil. Est-ce qu'il était modèle? Il n'était pas modèle. Modèle spécialisé. Non, il faisait quelque chose avec ses modèle bras. De montre, par il exemple. Lançait des trucs. Il ne lançait rien. Il était connu pour une activité qui impliquait ses bras, j'imagine. Exactement. Et c'est pas main, parce que sinon ce serait les mains d'or. Exactement. C'est vraiment pas le théâtre de la main d'or de Dieudonné. Oui. Qui sponsorise cet épisode, d'ailleurs, on les remercie. Salut. On fait tous une quenelle. On est tous en train de faire une quenelle présentement. Mais moi, je mange des petites quenelles. Voilà. Mais non, effectivement, très bonne, très bien noté. Marie de Breuer, ce n'est pas la main. C'est le bras. C'est vraiment le bras. Il avait des bras très musclés. Comment moi, Popeye. Ouais, non. Pas il était pas musclé. Pas spécialement. Oh, c'est pas les muscles, c'est pas les muscles. Bras, c'est même les avant-bras. Est-ce qu'il était Popeye. Il travaillait dans les aéroports là. Il guidait les avions. C'est pas à gauche. Putain, il le fait super bien. Ah, il le fait tellement bien. C'est vraiment des bras d'or. Non, mais c'est Harrison Brador. Il faisait des calinous. Un truc avec des calinous. Pas avec des calinous. Ah, pas mal ça. Mais il faisait le bien autour de lui. Ah. Est-ce que il était Oula. J'avais une blague avec hey, viens là, Brador. Oh. T'es le chien, tu veux dire? Ouais, voilà. Là, il est là. Ah, le petit bout de gilet là. Attends, là. Retourne dans ton panier. Il est trop mignon. Ah, il balle un peu dessus, j'aime bien. Oh, il est bras sont d'or. Écoutez, là, je suis bien là. Ouais. Transporté là. Hein. Ah, là, je suis bien. Est-ce qu'il distribuait des choses avec son bras? Alors. Ah. Pas avec son bras, mais effectivement, il distribuait plutôt des choses. Non, non, vraiment. Ah, est-ce que c'était un postier? Pas un postier. C'est ce genre de truc? Non. C'est pas son métier, mais c'est vrai que ton intonation faisait croire, prêtait à penser que c'était ce genre de truc, pas mais du tout. Ah, distribuer, non, rien à voir. Mais distribuer des choses, si, mais pas distribuer facteur. Des mandales. Des... Non. De l'argent. Pas de l'argent. Pas des câlins. Des cadeaux. Pas des câlins. Pas des est-ce cadeaux. Est-ce qu'il distribuait des objets physiques? Pas des, voilà, très bonne question. Voilà, pas d'objets physiques. Plutôt un truc du type câlin, quoi. Non, pas non plus. Non, c'est un truc. Non, c'est un truc. Disons qui peut être saisissable, mais c'est pas un objet. Des maisons. D'avant. Des maisons. Non, pas des maisons. Avec ses bras il d'or. Il lançait des. Ouais, bah, un peu au fond, un bras en or pour lancer une maison. C'est, oh, bah, c'est parce que une... ça coûte un bras. Bah, ça... Attends, c'est surtout à Paris, hein. Surtout à Paris, je sais pas si là, il est... une petite. Il donnait naissance à des bébés. Alors, non, mais on s'approche. Joli. Des fistes. Des... Non, un excellent hein fisteur. Les ongles c'est très courts. Le grand fisteur de Loir-et-Cher. Ce serait ouais, au point d'or. Harrison point d'or. Non, rien sexuel, t'as dit. Il était sexuel, quelque chose dans le domaine du médical. Exactement. Ah, obstétricien. Chirurgien, il sortait des choses des corps. Pas chirurgien. Non, il guérissait des bras. Alors, il ne guérissait pas des bras. Non. C'est, donc, il c'est ses bras. Il... Mais attends, c'est fou. Que, alors, parce que il a trouvé un truc pour réparer des bras. Non. Attends, mais t'as dit les avant-bras. Oui. Il était fort en gainage. C'est ses avant-bras qu'il utilisait, pas ses mains. Non, pas ses mains. Il faisait des la méthode de c'est Hamlisch, un chirurgien là. À moignon. Non, ce n'est pas un chirurgien à est-ce moignon. Est-ce que c'est lui la méthode de Hamlisch qui est ton livre pour enfants, je crois qu'il sort en septembre. Chirurgien à moignon. Le chirurgien à moignon. C'est plein de tendresse. Moi j'ai eu la chance de le lire, bah... plein de tendresse. Mais non, c'est vrai. Mais je suis baisé ou quoi? Chirurgien sans main. Bah oui, non, c'est pas ça peu probable. C'est vraiment on veut le rencontrer en tout cas. Bah ouais, chirurgien chimpanzé. Il est dans le prochain, je pense qu'il est dans le prochain Guillaume Play. Je pense qu'il va recevoir la semaine prochaine. Non, il faisait pas la méthode de Hamlisch là, pour les gens qui s'étouffent et ils attendez. Regardez, sans, juste avec mes avant-bras. Non, non. C'est pas ça. Ok. Et donc il était médecin quoi. Podcast bruitage. Pas, elle est pas médecin. Chirurgien. Enfin, non, c'est lié à la médecine, mais il n'est pas médecin. Infirmier. Non, non, c'est pas son métier. Oh waouh. Oh là, quoi? Il distribue attends des choses. Je vais vous des résumer. Masques, des masques. Pas des objets. Ce ne sont pas des objets. Oui, c'est des choses qu'on peut prendre de lui peut-être. Des bracelets. Non. Il a donné ses os. Non, il a donné quelque chose. Il a donné ses c'est... bras. Il a donné quelque non des pas tendons. Ses bras mais quelque chose qui des nerfs. Son sang des ah oui c'est le, la personne sang qui a donné le plus son sang mais oui je l'ai vu en plus. Il a sauvé ah, il je a... l'ai vu la news je moi j'ai vu la news de Alzheimer de Adrien Manuel ouais, ouais, ouais. Et elle est tombée là je vais mal qu'est-ce qu'on plus peut rien, faire y a plus rien écoutez entre 54 et 2018 cet Australien a sauvé la vie ah ouais 2,4 millions de bébés. Oh, sauver la vie, attends. Bah, de bébés. De bébés. Bah, en fait, parce qu'il est au plus ou ah, mes couilles. On est sur un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait des dons du sang et de plasma. Son plasma contient un anticorps rare nommé anti-D, dont l'utilisation comme vaccin prévient la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né. Anti-dépresseur. Ah. Ouais, c'est ça. Cette maladie survient lorsque le sang de la mère et du fœtus sont incompatibles et peut entraîner la mort. Et ben, James Harrison. C'est sceptique ça. Comment? Un choc septique. Tout à fait, grave. J'arrive. Ouais, c'est complètement ça, c'est la définition j'ai tenté. Du choc septique. Il était devenu le premier donneur d'antidé, ainsi que le plus prolifique avec 1173 dons. Donc, il l'a fait gratuitement ou pas? J'en sais rien, moi. Dans le terme don, il y a oui, la gratuit, notion de c'est gratuit. Il donne un petit jus de pomme et une mandarine à la fin. Enfin, moi, un quand petit fait, il y avait eu un petit truc, mais. Ouais. Cela lui avait valu de recevoir en 99 la médaille de l'ordre d'Australie. Est-ce que vous êtes un peu hypochondriaque ou pas trop? Non, ça va? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Plutôt du genre à ignorer les symptômes, tu sais. Ah oui, donc ah, c'est marrant. Ça, ouais, non. Ça, ouais, genre, ça passera, tu fais passer de la team, ça passera. Ça passera, puis ouais. Au moment où ça passe pas, je vais quand même dire bon, on va aller voir un médecin. Ah, c'est ouais. pas normal d'avoir cette côte qui sort. D'autant plus par le nez, ce qui est quand bah, même ouais, ouais, c'est un sacré coup quand même. Lucien, pareil. Ouais, non, ouais. Pas du tout, pas du tout hypochondriaque. Très angoissé de la mort, en revanche. Ah oui, rassure-moi. Ah oui, oui, oui. Très angoissé. Moi, il y a des moments où juste avant de m'endormir. La mortalité, Memento Mori me frappe dans le visage ouais. et ça me fait, tu sais, une vraie crise d'angoisse. De ça pèse sur ma poitrine et il faut que je me redresse et que je lise un livre et que j'arrête de penser. Enfin, que et qu'est-ce qui bouquine hein. Oh putain, ouais. Ah, putain ah, il en bouffe. Un rat de bouquin. Ah ouais, moi la mort, c'est plutôt l'inverse. C'est un soulagement terrible qu'elle. Ah ouais hâte, non. Mais je me dis. Ça va, tranquille. Mais non, j'ai pas eu le temps que ça s'arrête. Je l'attends le mot soulagement terrible. Non mais je pense que le une bouffée d'air frais la mort que ça s'arrête jamais. Genre si à un moment ça rend trop horrible ouais, le fait là, que ouais, ça puisse ouais. se terminer me soulage quoi. Ah oui. Voilà moi, ambiance. Non mais moi c'est plus ce truc. Mais je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast. Ce truc de des fois j'attends le passage piéton que ça passe au vert. Et je vois un bus arriver, je fais, et là je fais un pas, je me. Ouais, ça. Ça, ah, j'y pense oui. tout le ça, temps. Tout le ouais, temps. Ouais, dire, je peux mourir. C'est pensée intrusive, ça s'appelle. Mais ça te fait peur ou tu dis, let's go. Non, bah, un peu les deux. Je me dis, bien, on teste. Je me dis, teste. C'est quand même fou. Ouais, chaque ride de métro, c'est pareil, moi. Ouais, c'est ça. Je pourrais sauter. C'est quand même fou. Je pourrais sauter ou alors aussi, là, il y a quelqu'un qui me pousse et je meurs. Ouais, pareil. Et là, tu fais un petit pas comme ça. Ouais, voilà. Sachant qu'après, genre, moi, j'avais cette pensée-là et après, je me disais, non, mais ça va, personne va me pousser. Et après, j'avais vu une news où c'était vraiment littéralement arrivé. C'est il y avait un pousseur, qui, souvent, ouais. il y avait un pousseur qui opérait dans Paris, qui poussait les gens sur les rails et tout. Dans l'Aude, une. Moi, je suis un peu germophobe, mais c'est tout. je me permets de répondre, vu que. Ah, mais parce que la dernière fois que je t'ai demandé, t'as vu non, pas vraiment. Donc je pensais que t'allais pas avoir de. Ah, un à peu, ça. Je pense que je suis plus que la moyenne en tout cas. Laisse-lui le droit de répondre. Plus la moyenne des gens. Non. Non, je suis pas hypochondriaque, mais. Non, toi, je pense toi, t'as je suis un plus vrai, sur une vraie colère sur les gens malades. Oui, après. Je fais un pas vers les gens en disant que je suis germophobe, alors que pour moi c'est juste tous les autres qui sont germophiles. Oui, mais du coup, ouais, toi, le Covid, t'as dû dire, bah voilà, des règles normales de vie civilisée, bah, les masques, non, moi, ça me rend chacun chez soi, ça me rend fou quand il y a là aujourd'hui quelqu'un qui met un masque et les gens disent c'est fini le Covid hein alors ouais, que c'est ouais, un masque c'est pour tous les germes quoi. En fait quoi. Ouais, ouais, mais surtout je me souviens que pendant le Covid moi maître dit oh bah là maître Gims sûr. Maître Gims mais j'étais avec maître Gims à l'époque on, ah ouais. on a fait le confinement alors ensemble il est comment sans lunettes adorable mais ça lui change complètement son visage il est odieux avec adorable sans Louis je me disais bon là c'est sûr après le Covid dès que t'auras une petite maladie les gens vont mettre le masque ils vont avoir le réflexe comme au Japon c'est pas je suis sûr que tous les gens tous les trentenaires blancs qui sont allés au Japon ont dit bah comme au Japon au Japon ils mettent le masque mais de toute façon c'est trop bien le Japon ça mélange de tradition et modernité bien sûr moi j'ai grandi avec les mangas alors j'adore je suis allé dans les rues je rêve d'y aller mais oui mais t'es jamais allé au Japon ouais. Bah non. Ah non, je pensais que t'étais déjà tu allé. Je connais pas du tout en fait. Très peu. Qui es-tu? Moi, un collègue, rien plus. Il est en train de faire une crise d'amnésie. Donc dans l'Aude, une auxiliaire de vie a volé un objet en porcelaine de Chine. En Perceval de Kaamelott. En porcelaine de Chine à sa note. Oh, elle le fait bien. Eh, c'est quoi comme note, Alexandre Astier, si tu nous écoutes? Bon, je débarque. Je suis une bande de pauvres cons. Je suis des cons en fait. Enfin, oui, non. Je suis intelligent en fait. Oui, oui, bon. Dans l'Aude, donc, une auxiliaire de vie a volé un objet en porcelaine de Chine à Perceval, à sa patiente très âgée atteinte d'Alzheimer. On y revient. Ok. Comment s'est-elle fait griller cette voleuse? J'ai rien écouté. J'ai alors, oui, raison. Donc, dans l'Aude, une auxiliaire de vie a volé un objet en porcelaine de Chine à sa patiente. Oui. Un objet cher et rare. Tu l'as? Je pense. Et parce qu'il y avait la petite trace de la poussière autour. Non, mais j'adore. Comme dans un bibelot là. Il y avait un bibelot là. Ah ouais, et son doigt tordu. Ok. Alors ce n'est pas Misery, ça. Je oui. la rêve. Dans Misery, à un moment, il bouge les bibelots et c'est comme ça qu'elle se rend compte qu'il ouais, est levé. C'est un petit canard qui parle ah oui, dans le bon sens. Qu'il est, ouais. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. J'ai il est adoré. Dur ce film. Hein. Ouais, mais j'adore. Ah, c'est bien. Il y a une petite cruauté dans l'œil de Marie quand elle est. Elle est en train d'étrangler mon chat. Donc oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Un rapport avec Internet. Excusez-moi, vous êtes un petit perso, j'ai l'impression. Non, je demande. Tu peux vivre un petit peu, un fan de tuning, ouais, moi. Non, je vois. Non, il n'y a pas de rapport avec Internet. Elle l'a dit. Comment elle s'est fait griller? Elle l'a volé. C'est ça, comment elle s'est fait griller? Comment elle s'est fait griller, ouais. Déjà, est-ce qu'on... Le bon coin? Est-ce que... Il a dit... Pouvez-vous venir dans la pièce? Il se frotte les yeux. Il est fatigué. Il est changé. On arrête, non? Et on fait un petit jeu de cartes. On fait un test, en fait. C'est trop con. Si vous en avez marre, on s'en fout. Time's up avec les images. J'ai un petit coup de barre. Ça va passer. On leur dit, genre, mettez dans la cagnotte, là, pour la bonne auberge. Mercredi random. Mercredi random, puis on se fait plus chier, là. Je ne vais pas le relever. Ça va passer, voilà. J'ai un coup de barre. Donc, Adrien, je te réponds. Non, c'est pas le bon coin, non. Je me suis couché, je me suis mis au lit à 21h hier soir et je suis quand même fatigué. Oui, mais tu t'es levé à quelle heure? Tu t'es endormi à quelle heure? 7h30. Ah, oui, je sais voilà. Pas. Oh, putain, c'est une belle nuit par contre. Hein. C'est une bonne t'as nuit. T'as levé pour pisse? Peut-être. T'as levé pour pisse? Non, mais j'ai très mal dormi. J'ai très mal dormi. Ah, voilà. Quand je suis avec Francky, la semaine où j'ai Francky, je dors très mal parce qu'elle dort avec moi. Et elle doit être collée et du coup, je peux pas prendre la bonne position comme je veux. Je pourrais pas la virer du lit. C'est une grosse question, le chien dans le lit. Moi, la petite, moi, du coup, je vis avec un chien maintenant. Ouais. Et je parle pas de mon mec, c'est que je veux dire, c'est mon chien. Alors que c'est un bon baiser, je crois. Je crois. Mais du coup, double voire triple de taille de Francky, oui, je oui. pense. Hein. Donc, du ah ouais, coup, c'est quoi comme chien? Border Collie. Oh. Ah, oui, oui. Ah ouais, ça prend de la place là. Ça prend de la place, mais du coup, quand je sais pas, par hasard, il ferait de la nuit du sommeil et j'irai dormir sur le canapé. Par hasard, tu vois. Et je reviens une heure plus tard, voir, elle est à ma place, quoi. Elle est vraiment comme ça. Et avec sa petite toile, avec sa petite patte qui fait un wad. Exactement. Allez, tiens, va te faire en lec. J'étais là avant, bouffonne. Entre toi et moi, et choisis-moi. Allez, ciao. By the way, j'avais chié dans le canapé. Mais cela dit. Allez, bonne nuit. Parce qu'en plus, elle parle anglais. Hein. Mais by the way. Je trouve qu'il y a un vrai. Peut-être un petit Pixar à faire sur justement les mecs ou meufs qui ont un chien. Et qui se mettent en couple. À quel point ça change la vie du clébard. La ouais. relation. Enfin, moi, j'avais un pote. Enfin, j'ai toujours un pote d'ailleurs qui avait un chien qui était célibataire. Et c'est quand ça vraiment, c'est moi, Florent. Hein? J'avais un pote, c'est moi, hein, vraiment. On est collègue. Ah oui, pardon. Attends, oui, c'est vrai. Non, j'avais un pote qui était, quand il était célibataire, avait un chien, il s'est mis en couple. Et le chien, tu sens un peu que ça a un peu bouleversé sa life de. Pardon? Je suis plus le seul centre d'intérêt là. Ah ouais, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il bouffait des bouts de pizza, tu sais, c'était la belle vie. Et là, d'un coup, il mange de façon équilibrée et tout. Alors le clébard, il fait. Non, j'étais quoi? Ah ouais, ça fera trop un Pixar. Ouais, tu vois, un petit Pixar à faire. Un peu, ouais. Un petit peu un mignon. Peu à Toy Story, mais Pet Story, quoi. Exactement. Mais moi, je voyais plus un Allô maman, ici bébé, mais avec un chien. Ah oui, pas mal aussi. Pas mal aussi. Et qui dit, bah, tu sais qui, celui-là? Et alors? Et ma patrie, elle arrive ou quoi? Je la vois. Oui, oui. Ça ah ouais. existe. Ça. En tout cas, ce que je on va devoir faire une pause dans le podcast parce que je viens de recevoir un texto. Papa, mon téléphone est cassé. J'utilise mon ancien téléphone maintenant. Peux-tu m'écrire sur WhatsApp? J'ai un enfant apparemment. Et je vais devoir lui venir en aide. Envoie-lui 500 balles. C'est une drôle de manière de t'annoncer ta paternité. Oui, c'est très. Et puis c'est surtout que j'en ai pas mal apparemment. J'ai 5-6 gosses qui ne répondent jamais. Une fois que je leur ai donné de l'argent, jamais me voir. Plus de nouvelles. Plus personne. Je suis ruiné. Je dors très mal. Ah mais je savais pas que cette nouvelle arnaque, je la connaissais pas moi. Ah ouais, moi j'ai. Ah c'est elle est très courante. Mais quand je dis ça 6 fois, je rigole pas. Hein, je l'ai reçu. Ah ouais. Ouais ouais. Mais c'est des gens qui se font passer pour genre ton gosse pour réclamer. Mais c'est fou. Ouais ouais. Et qui apparemment même utilisent des vrais numéros de gens. Ouais, si tu rappelles, il y a quelqu'un qui décroche quoi. Ah c'est ouf. Apparemment c'est très facile pour les arnaqueurs d'utiliser. Enfin d'envoyer un message comme si c'était un autre numéro. Ah ouais. Qu'il envoyait. Et un numéro qui est attribué. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah ça tu me l'apprends. Médoc du Cozy Corner, ça lui est arrivé. Ah ouais. Quelqu'un qui l'a appelé, qui a fait ouais, vous m'envoyez des messages? Il a fait bah pas non, du non. Tout. Il fait ouais, ouais, machin et tout. Et en fait, quelqu'un lui a envoyé. C'est un truc que faisait à l'époque Morad sur Europe 2 et Skyrock. Il appelait deux personnes. Ah oui. Et les mecs s'embrouillaient tout seuls. Bah vous m'avez appelé. Bah non, c'est vous qui m'avez appelé. Mais ne parlez pas comme ça. Je vous dis que vous m'avez appelé. Et en fait, et parfois ça fait des trucs de ouf. Et c'est ça. Et parfois ils intervenaient un tout petit peu. Ouais. Ils disaient une petite phrase en plus pour relancer. Ils mettaient des petits bruitages. C'était des gens de l'équipe. Oh, arrêtez. Vous voulez tout casser. Vous voulez tout gâcher à notre enfance. Adrien et moi, on a ça en commun. Je ne crois pas du tout à ce fantôme. Bah vous l'avez. Moi je l'ai beaucoup écouté. Mais moi aussi. Et franchement, c'est moi point le petit canard de Bagdad. Ils étaient forts en bois. Ils étaient forts en bois. Filez-leur des Césars alors. Ah bah franchement. Parce qu'ils jouaient bien. Moi j'y ai cru. Putain. Donc par contre cette dame. De l'Aude. Ah bah oui c'est vrai. Une vieille dame de l'Aude avec de l'Alzheimer. C'était quoi comme objet en porcelaine? Parce que je te dis un vase. C'était Perceval. vous l'ai déjà dit. Un Perceval. Un porcelaine. C'est pas un vase en porcelaine. C'est pas faux. Tu l'as dit, c'est pas faux. Ouais. J'ai la ref. Ils se sont rendus compte qu'elle lui faisait dire des mensonges à la dame qui a Alzheimer. En mode, mais c'est vous qui l'avez cassé. Enfin, non, c'est pas non, ça. Non, non, non. Alors, elle n'a pas profité de. Comment dire. Elle n'a pas utilisé la vieille l'Alzheimer. Dame. Okay. Non, non, elle n'a pas utilisé l'Alzheimer. Est-ce que c'est en voulant le revendre qu'elle s'est. Très bonne question et je te réponds oui. Ah. Elle l'a revendu à un pote. Est-ce qu'elle. Attends, non, non. Elle-même. Pas est-ce elle. Qu'elle a voulu le ah, rendre à la vieille. Genre, regardez ce joli vase, il irait super bien sur votre c'est petit. Dommage, c'est dommage, c'est moins bien. Mais j'aurais bien aimé. Et elle l'a fait 5 fois. Elle a passé elle une annonce. Elle a tiré 25 000 balles. Ouais. Pas mal. Alors, elle a passé une annonce. Pas vraiment une annonce. C'est pas sur internet, on est d'accord. Il n'y a rien à voir. Le web n'est pas du tout. Tu peux me dire le bon coin dans n'importe quelle pièce de cet appartement, je te répondrai non. Et c'est pas une annonce dans un journal. Ce n'est pas non plus une annonce dans un journal, mais c'est vraiment. Pensez encore plus gros. Dans un musée, est-ce qu'elle a essayé de le vendre à un grenier. Musée, pas un vide-grenier, encore plus gros. Un antiquaire. Un très très gros vide-grenier. Un gros vide-grenier. Oh merde, je me suis fait avoir. Un obèse vide-grenier. Wow. Wow. On a dit le O-word. Non, c'est un truc. Alors, c'est très célèbre. Le Bon Coin. Mais je pense pas que vous soyez le public. Ah, coco.fr. Pas coco. Pas un vide-grenier. Un vide-grenier. Pas un vide-grenier. Attends. Attends. Un bingo. Bah non. Non, non, non. Une recyclerie, ça je suis plus. Revendre des objets. Complètement public. C'est une façon de revendre des objets, c'est ça? D'une certaine manière. Ah, les enchères. Non, mais on s'approche. Enchères. Et en os. En loire et cher. Et on nous avec c'est pas dans le cher, c'est dans l'Aude, t'as dit. Oh, non mais. Mais cher, c'est une chanteuse. Ah là, ça y est, il est réveillé. Ah voilà. Ah, le coup de barre est passé. Ah y est là. Là, d'accord. Là, je le retrouve là. Vif comme l'éclair. Ketchup. Donc attends, et c'est un truc plutôt de vieux. Moi je trouve, oui. Ou un truc de village, quoi. De... Non, non, non. Des enchères. Le truc le plus connu des enchères. Des enchères. IBM, mais c'est sur internet. Non, c'est pas sur internet. Je pense que je connais pas tellement, je suis jeune. Ah, là, c'est possible. Une vente aux enchères. C'est ça le truc le plus mais, connu. Mais national. Vous avez jamais eu envie, vous, de. Moi, j'aimerais bien un jour assister à une vente aux enchères. Je trouve ça un peu, moi, je trouve ça un peu excitant quand tu participes pas. Peut-être je voir pense un pas que c'est monté. Marrant. 10 ah, minutes. Non. Moi, je pense que c'est marrant. 5 minutes. Ah oui, voilà, 0 minutes, moi, je dirais. Si tu participes pas, je m'en bats les couilles, quoi. Bah, moi, j'avais un pote, pour ne pas le citer, JB. Tu viens de le citer, par contre. Je l'ai fait, je t'ai dit j'avais un pote. Ouais. Donc, vraiment, lui, c'est plus ton lui, pote. C'est plus. Terminé. C'était quoi. Pendant le confinement. Et en fait, il y avait un truc de vente aux enchères d'objets de cinéma. Et, voilà. Et, oui. Il a, et je l'ai vu en ligne. Il a acheté la carte de cantine de l'accessoiriste de Jurassic Park pour 800 euros, quoi. Et ce n'est pas la vraie, évidemment. Ouais. Non, non, fait. C'était la chemise de Robin Williams dans Will Hunting. Ah, mais c'est la pièce maîtresse de sa collection. Exactement. Ouais, et quand avec son Rocky immonde. Oh, quel horrible Rocky. Et alors, ça, je suis content qu'on l'ait enfin. Oui, oui. Je lui ai envoyé des textos. Des bunkons aussi. Je lui ai envoyé des textos ignoble. Quotidiens ouais, sur ce Rocky dégueulasse. Je te le montrerai, Marie, tout à l'heure. C'est vraiment infect. Est-ce que c'est. Ah, non, non, une tombola. Pas une tombola. Ah putain, un truc de vieux là. Putain, là, mais attends, vente aux enchères. Je vais vous le donner. Bah non, non, non, mais attends, tu veux rendre c'est rien fou ou quoi. Vente aux enchères, genre dans la vraie vie quoi. Bah, c'est justement. Pas un truc en ligne, du coup. Vu que c'est non, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Il y a son à part vente aux enchères. Il y a son fils, il y a son qui, fils le qui le harcèle. Il arrête pas de lui envoyer. Il n'y a pas une vente aux enchères nationale, un truc des. Bah, je sais si, pas. Mais oui, mais c'est un nom quoi. C'est pour ça que je voulais vous le donner. Une vente aux enchères. Mais c'est le truc des. Peut-être passe à la télé. Une vente aux enchères. Ah, il va l'avoir. En France ? Oui, sur France 2. Oh. Là, il a une hernie discale, oh. Ça n'a rien à voir. Ouais. Non, c'est bon. Je suis en train de crever. Je fais. Le bon coin. Il en a laissé, il en a laissé. Attends. Qui va trouver ? Il va trouver. Non, aidez-moi. Ah, aidez-moi, on a plein d'indices déjà. Non, aidez-moi vraiment. Je chante plus mon bras. Ça n'a rien à voir, Adrien. Je chante plus mon bras, c'est pas un bon indice. C'était pas non, c'est juste avant. Non, mais je. Bah, c'est affaire conclue, voilà. Voilà, bon, c'est l'émission. J'aurais jamais eu. J'aurais jamais eu. L'émission avec Sophie d'avant, qui vend des objets sur France 2. Ah oui, donc elle a volé. À, c'est quand même un peu marrant. Elle a volé un objet en porcelaine et elle est à une vieille. À une vieille. Faut être con. Est allée sur France 2 pour le vendre. Dans une émission de vieille. Dans une émission de vieille. Déjà abusé d'un vieux. Pas cool. Sympa. Non, pas ouf. Pas cool. Et mais... ça, je suis content qu'on le dise à l'antenne une bonne fois pour toutes. Pas ouais. Sympa, ouais. Mais en plus vraiment con du coup. C'est une émission qui dénonce. Ouais. Et en gros, elle a voulu le vendre dans l'affaire conclue. Elle a refusé parce qu'il y a des experts. En fait, c'est ça l'affaire conclue, c'est que tu vends des objets et des experts de est-ce ça. Est-ce qu'on sait si la vieille qu'Alzheimer était raciste? Parce que sinon ça s'annule. Abuser, oui, oui, abuser une vieille mais raciste. En fait, elle est, ça, elle bon. A, comme elle a Alzheimer, elle oublie qu'elle est raciste. Chaque jour, elle redécouvre qu'elle est déteste. Dès qu'elle part, elle fait mince, j'ai oublié d'être raciste. Non, elle sait qu'elle est raciste, mais elle oublie l'ethnie chaque jour. Un jour, c'est les Noirs, un jour, c'est les Arabes, un jour, c'est les Asiatiques. Et donc, en gros, les experts ont dit on vous le prend, mais pour 1200 euros. Okay. Et la meuf a dit non, c'est pas assez. Et là, d'un coup, en fait, un proche de la mamie a vu l'émission et a reconnu l'objet et a dit, mais attendez, c'est l'objet de la vieille Alzheimer. Elle l'a dénoncé à la police a trouvé 4 mois de prison. Mais ah, ferme. Ah, je sais pas. Elle est apparue dans l'émission, elle. Bah oui. Ouais, ah oui, donc elle est très très bête. Hein, elle a même pas envoyé quelqu'un à sa place. Alors que c'est vraiment voleur. Alors qu'il y avait le bon coin. Non, mais oui, vraiment. Prenez Adrien bon comme co-auteur de mes faits. il va vous régler ça. Et vous ferez jamais je ne prendrai que 10% du. En plus, il est germophobe, donc il n'y aura pas une trace. Il sera nickel. Il sera passé au sanitol. Ça va être suspect. 4 mois de prison avec sursis. Ah voilà, ouais, ça va, c'est pas cher payé. Hein. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? C'est rien, enfin. Oui. À part toi, enfin Marie, toi, tu voles le cœur des Français. Ouais, j'allais dire. Tu sais que j'allais la faire. Et c'est en ça qu'on est connecté, mon pote. C'est ma collègue. Complicité. Ah oui, pardon. Ouais, t'as déjà volé quelque chose, Marie? Est-ce que ça peut être enfant, attention. Oui, attends, tu mets. Voler des enfants? Voler. C'est jamais. Un crime, je crois que c'est un crime. Attendez, vous faites pas ça, vous voulez des non, ça se fait pas trop. Raqueter, général, vous vous raquettez pas? Non, d'accord. J'ai volé tout ce qui est bon bec. Hein. Ah oui. Ouais, on était sur du bon bec. Donc en boulangerie plutôt ou en épicerie? En épicerie. En épicerie. Ah, moi j'ai fait l'inverse. Ah ouais. Mais je te laisse finir de raconter. Non, en fait, j'ai remis des bonbons dans les rayons de boulangerie. Quand je repense, j'ai quand même volé quand même pas mal de petites choses. Ah oui. En me disant, on a ouvert la boîte de Pandore. Elle est kleptomane. Non. Je me faisais ce que j'appelais un petit geste commercial à moi-même. Ah oui. Je vais acheter un pull à 30 balles. La paire de chaussettes, ça peut être gratos. Exactement. Ah, mais j'aime bien, moi, cette logique, c'est pas mal. Et si c'est une grosse enseigne, aucun problème. Ah oui, c'était que des H&M, des trucs comme ça. Quoi. Hop, tac. Et je fais plus maintenant, car je suis pété d'oseille. Et surtout qu'H&M ne fait plus ma taille. Et tu t'es déjà fait griller? Ou non, tranquille? Je me suis déjà fait prendre la main dans le sac pour les bonbons. Wow. Alors je peux te dire, c'est une honte. Tu retiens, surtout à 14 ans, tu vois. Ouais. Où vraiment t'as vraiment un crime. Je n'ai pas mes parents. C'était désagréable. Et après, avec les petits vols de petites boucles d'oreilles, de petites paires de chaussettes, non, jamais. T'as volé chez Claire, ça. J'allais dire Claire. Chez Claire, c'est compliqué parce que c'est quand même assez confiné. Ah oui. Et il y a que ça, des petits objets. C'est vrai qu'HM, c'est de la grande surface, c'est plus facile. Voilà, et ils ont un petit stand de boucles d'oreilles aussi. Bien sûr. Mais attends, tu bipais pas. T'enlevais le. Ouais, mais les boucles d'oreilles, en fait, tu les enlèves du carton. Elles s'ouvrent, quoi. Bien joué. Et tu les mets dans la poche, je faisais les tours des trucs comme ça, je les mettais dans la poche et après je partais. Pas mal. J'espère qu'on peut pas me choper. Attention. Je suis désolé, hein. Par contre, prescription. Faut pas faire ça, c'est pas bien de voler. Ah bah non, ah mais non, bien sûr, on n'encourage pas les gens à faire. Puis t'es jeune. Si vous n'avez pas d'oseille, volez. Voilà. Je rappelle aux SDF qui ont volé de l'argent et qui ont acheté un ticket de loto avec. Ah oui, qu'on a parlé la semaine dernière. Tout. Gardez tout. Ils ne peuvent pas. Je t'ai déjà expliqué. Je veux pas le savoir. Je t'ai déjà expliqué. T'as déjà volé, Adrien, toi? Hein? T'as déjà volé? Oui, j'ai déjà volé. T'as volé quoi? J'ai souvenir, mais pas beaucoup parce que moi je suis assez. Enfin, en fait, j'étais très respectueux des règles quand enfant. Lâche, tu n'es. Oui. Ça peut aller de pair. Moi, c'est une réaction peureux. Enfin, genre, j'ai séché une fois les cours dans toute ma scolarité. Waouh. Pourquoi faire? Collège, lycée, pour jouer au basket. Oh là là. Et en plus, je suis con parce que je l'ai fait juste avant. Le cours du prof le plus sévère, une horreur. Et du coup, il a regardé, il a fait. Bah alors, t'étais pas en cours avant? Et j'ai dit bah non. Et j'ai voulu faire le mec cool et tout. Non. Il a fait bah dégage. Bah, viré du cours. T'es viré pour l'après-midi. J'ai cru que t'as dit, j'ai séché, mais c'était le cours de PS et on faisait basket. Donc vraiment, c'est ridicule. Non, mais. J'ai séché basket pour faire un basket. C'est méta en fait. Ils jouaient pas assez bien, les gars de sa classe. Je leur ai dit c'est méta, mais le mot existe pas encore en fait. c'est une nouvelle era. Non, je me souviens avoir volé des bonbons aussi. Et j'étais trop fier de mon truc parce qu'en gros, c'était dans une boulangerie aussi. Et je montrais du doigt, je vais dire, je vais prendre ça. Et après, quand je ramenais ma main vers moi, je faisais, je prenais sur le passage des bonbons. Prestidigitateur, quoi. Et je disais, je vais prendre ça, hop là. Oh là. Et j'étais trop fier. Heureusement, tu disais, hop là. Je disais, hop là, le vol de bonbons. Qui c'est qui a dit que c'était un magicien? C'était qui? Eric Antoine, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien. Et non, sinon, j'ai dû voler d'autres trucs, mais. Moi je volais dans mes boulots un peu. Fournitures de bureau. T'es un écureuil? Ça, pourquoi? Que vole dans des boulots. L'arbre. Un petit trou dans un arbre. Une pie. T'as une pie en fait. Un garde-manger. J'ai volé des noisettes. Des noix, je les mettais dans ses joues. Non, mais par contre, tu l'as dit, les fondations du bureau, je les mettais dans mes joues aussi. J'ai une agrafeuse et tout, c'était vraiment très douloureux. Mon dentiste me détestait à ce moment-là. Florent, t'as une photocopieuse. Pièce par pièce. J'ai une anecdote de vol de matériel. Anecdote me plaît déjà. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça, sur le pouce, sur le thème. Bah, grignoter. Un petit grignotin, bien sûr. En gros, j'étais dans une boîte qui faisait des tasses avec le nom de chaque employé, sauf les alternants et les stagiaires, parce qu'on restait pas assez longtemps. Ce que je trouve horrible, c'est juste une tasse, cool, quoi. Pas cool, ouais, pas cool. Et du coup, excluant. J'ai volé la tasse d'un gars qui l'avait pas récupérée, sauf que le gars s'appelait Bertrand Régis. Oh, Bertrand Régis. Bah ouais, mais quitte à en voler une, autant en voler bah, le... Voilà. Donc j'ai volé la tasse à Bertrand Régis et je l'embrasse. Oh, il nous adore, il nous adore, il écoute c'est tout le temps. Bertreg, comment on l'appelle. BR. C'est mon vieux BR, là. Putain. T'as un peu volé, toi, Lucien ? Ouais, moi j'ai volé à la fin d'une période, on m'avait engagé chez Diesel. Ok. Il y a prescription. Ouais. Et c'était pendant les soldes d'été. Donc c'est le moment où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et ouais. J'ai passé vraiment un mois chiant à plier des jeans alors qu'il fait chaud avec une playlist horrible. Ouais. Et à la fin de la période, j'étais en période d'essai, tu vois. Et ils m'ont dit, bon, on va pas te garder. Et je me suis senti vraiment arnaqué. Ouais, tu sais, j'ai fait la période la plus chiante. Et juste avant de transformer en CDI, vous me virez, ouais. C'est un peu de la merde. Du coup, j'ai volé un débardeur. Non, parce qu'un jean, ça se voit. En le mettant sous ton t-shirt. En le mettant sous mon t-shirt. Tu l'as dit, un débardeur diesel, c'est 40 balles. Ouais, c'est tu l'as revendu sur le bon coin. Non, je l'ai gardé longtemps. Non, tu t'es pris en photo et t'as posté sur Insta. Avec à l'époque, mais si c'était aujourd'hui, je l'aurais fait. Et en enlevant le débardeur. Et tu as rendu des bonbons, tu disais. Ouais, alors, j'ai pas rendu des bonbons, oui. Mais ouais, c'est du. Mais lui, il est bon en animateur. Hein. Non, mais attention. Il s'est mis un post-it. Mais un post-it mental. Et en plus, j'avais fait le deuil. Je m'étais dit, bon, ça fait trop longtemps, c'est pas grave. Mais tu me relances. Bah, t'es un petit angelot. Non, moi, j'ai dévolé d'une certaine manière parce que j'ai acheté pour trop d'argent. De bonbons. En fait, j'ai rien compris. Acheter pour trop d'argent. En gros, ça coûtait. Attends. J'allais à la piscine avec mes copains. Ma mère m'a donné 100 francs parce que j'ai 44 ans. Okay. Bah voilà. C'est elle ouf, m'a donné hein. 100 francs. Que j'ai 44 ans. C'est ouf. Bah, il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont 44 ans. Non, 45. Mais Adrien, oui, mais il a 44 ans. Moi aussi. Même année. Putain, Nicolas Bernot. Voilà. On a plein d'amis qui ont 44 ans. Bon, voilà. Bon, bref. 100 francs sur la défensive. Lucien, ça va ? Moi, ça va super. Je vis bien d'être un sale vieux là. J'ai mal au lombaire. Mais sinon, à part ça. Je fais 30 moi cette année. Allez. Tant mieux pour toi. Elle me donne 100 francs ouais. pour aller à la pistoche avec mes copains. Okay. On va à la pistoche, ça coûte 10 balles à l'époque parce que bon, voilà, ouais, bah 10 francs. Et ouais. Donc il me reste genre 80-90 francs pour faire ce que je veux. Il y avait la boulange en face, oh j'ai acheté pour tout ce que j'avais de monnaie en bonbons. Ah ouais. Donc vraiment, j'avais 6 kilos de bonbons. Ouais. Et t'as comme j'étais un enfant piscine, très. On peut faire l'équivalent en euros. Je suis perdu. Bah alors, 100 francs, c'était 15 euros. 100 francs, c'était 15 euros. Donc ouais. C'est comme si t'achetais 12 balles de bonbec à la boulangerie. Sauf qu'à l'époque, oui, sauf qu'à l'époque, avec l'inflation, c'est l'équivalent de, je sais peut-être. Eh, t'as dû acheter pas mal de couilles de mammouth. Peut-être 25 balles. Ah non, mais tout, les jaunes d'œufs, les schtroumpfs, les coquins. Qui faisait mal là avec les horrible. Couilles. Ouais, tu sais, les longs trucs qui piquent là aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Tout bien plat. Sûr, bien les Frizzipazzi. C'est voilà, délicieux, c'est ça. Ça, c'est mon nom de cambrioleur. Frizzipazzi. Frizzipazzi. Un cambriolage signé, Frizzipazzi. Il fait des jeux de jambes en même temps qui cambriole, il est trop fort. et je m'en suis voulu parce que j'étais aussi, comme Adrien, un enfant très. J'ai peur de d'enfreindre des règles. Ouais. Et j'ai ensuite. Enterré dans un bac à sable tous ces bonbons là parce que j'avais peur de les rapporter chez moi et que mes parents m'engueulent d'en avoir acheté trop. Oh. C'est vraiment... Donc j'ai un peu anti-volé, tu vois, j'ai acheté beaucoup de choses et gâché la nourriture. Gâché aussi, voilà. Ça me brise le cœur parce qu'ils auraient très bien pu t'engueuler sur le ça fait que l'argent coeur, a disparu. Ces bonbons du coup. Qui ont pas été bouffés. Ouais, mais en plus mes parents étaient très très cool et donc ils m'ont pas demandé de compte sur qu'est-ce que t'as fait des 100 francs. Rien, j'aurais pu acheter du shit. Bon, j'avais 7 ans. Bah, t'aurais vraiment dû. J'aurais dû acheter du shit à 7 ans. Un pétard à 7 ans. Ouais. Fait. Vol toujours, une société a créé un anti-vol révolutionnaire pour que vous ne fassiez plus tirer votre vélo. Attends, pardon. Je pensais Vol toujours une société qui était le titre de mon prochain album de rap. Mais la société en termes de la France, quoi. La société justement, il y a un double sens. Ah, là, attends. Soit la société pour laquelle tu travailles, toi, soit. Ou quoi. Ouais. Incroyable. Putain, j'ai vu une interview du 113 où on leur dit alors pourquoi le 113 ? Ils disent parce qu'on vit au 113 et genre ils donnent leur adresse. Bah Cameroun, c'est ouf. Bah oui, mais le Cameroun, il est connu hein. Oui, mais à l'époque, je me dis, c'est fou quand même de dire où t'habites mais un c'est, artiste. C'est pas 94-113 le code postal de Vitry aussi où ils, bah, non, mais là, dans l'interview, il disait, on habite au centre, je sais plus le truc. Rue Camille Route. Voilà. Bah, c'est fou quand, à l'époque, pendant l'interview, tu dis pile ton adresse quand même, alors que t'es. Ah oui, c'était une plus. Rosta, c'était pas l'ancienne adresse. Quoi. Tu penses que c'était leur ancienne adresse. Non, mais surtout, une fois que c'était des restos, ils n'habitaient plus là-bas. Oui, je sais pas. Tu crois? Bah oui. Ouais. Oh, Adrien Debunk. On est dans Adrien Debunk. Non, mais t'as raison, star, bien sûr. Allez, à 3, on va tous notre adresse, on va voir. Allez, voir ce qui se passe. Donc, je disais. Je l'ai fait en live sur Twitch. Par accident, donc. En répondant à un viewer. Vous êtes là au 54. Il n'y a pas eu de répercussion. En fait, j'avais un add-on pour Chrome. Enfin, je n'utilise pas Chrome, mais c'est un navigateur basé sur Chromium. Pourquoi préciser? Pourquoi préciser que tu n'utilises pas Chrome? Une des fonctionnalités, c'est que ça te remplit automatiquement les formulaires, genre quand tu dois entrer ton adresse. Ah oui, et tout. Oui, oui, trop bien. Et à un moment, je faisais un jeu qui n'a rien à voir. Je crois que c'était un jeu du style un jour un film ou un truc comme ça. Oui, oui, et en fait, ou je sais pas quoi, c'est un jeu où tu devais taper du texte dans un champ. C'était un jeu sur le navigateur. Et ce con de cette conne d'extension a dit ah, c'est un champ adresse ça. Et du coup, il a mis un pop-up avec mon adresse. Ah oui, c'est pas toi qui l'a dit, c'est la pop-up qui l'a révélé. C'est par accident, mais voilà. Et du coup, il y a deux personnes qui ont fait un clip de ça. Et je les ai bannis. Bah oui, faire un clip, c'est nul. Eh oui, évidemment. Quelle idée. Vous êtes con. Ouais. Parfois. Vous êtes banni. Deux, ça va. Je te banne. Juste deux personnes. T'as dit je te banne. Mais dit plus t'es populaire, plus il y a une partie de gens. Bon, bah voilà. C'est pas le sel de la vie. Franchement, ça fait aucune phrase là. Si vous voulez, on la complète. Je suis un peu fatigué. Plus t'es connu, plus il y a de connards. Mais j'ai enregistré deux tchatcheux ce matin. Je suis que parler dans des micros là. Rien qu'elle tchatche celle-là. C'est le podcast day pour Marie de Breuer aujourd'hui. It's podcast day, everybody. Hi. Alors, la question que je vous pose, c'était du vol. Ou du plane. Parce qu'on parlait du vol. Ah, vélo, le vol vélo. Et donc, il y a une société effectivement qui a créé un antivol. T'es aussi bourré, je pense, Marie. C'est podcast day et vodka day aussi. Bon, bah voilà. Vodcasteuse. J'ai pas beaucoup de temps, je compile. C'est le vodcast ou quoi? Donc cette société a créé un antivol. C'est vodka. YouTube. Alors Marie, elle a 5-6 secondes de décalage. Bon bah c'est pas grave. Elle a un petit lag. Bon, c'est pas grave. Je t'en prie. Un petit verre d'hommage. Donc un antivol. Je sais pas si je vous ai parlé de mon antivol. Ouais. Pour les vélos. Ouais. Ah, beau vélo. Ah, beau vélo. Ah, beau vélo. Ah, ben, bah, c'est ça, ça fait la voix de Bourville. Ouais. À votre avis, quel est le concept de cet antivol? Qui est révolutionnaire, donc c'est pas juste. Il hurle. Alors, il hurle. Pas. Ah, bah, beau vélo. Bah, oui, c'est ça, j'aurais adoré. Il. Non, c'est pas ça. Ah, putain. Ouais, j'ai vu un truc, mais je sais pas si c'est ça. Tant c'est qui projette de la peinture sur les gens comme les trucs. J'aimerais bien ça. J'ai vu qu'ils faisaient ça, je crois, pour les. Ah non, c'est pour les voitures électriques. Parce qu'il y a des gens qui sectionnent les trucs. Et du coup, dans les stations de recharge, ils ont coupé les trucs. Et du coup, ils ont fait des câbles où si t'essayes de couper, ça te projette de la peinture mais sur pourquoi ça. Pourquoi les gens sectionnent les câbles de électrique? Je sais plus. Je crois qu'il y a un électrique. Ouais. Enfin, c'est du pur vandalisme. Je crois qu'il y a quand même un truc de. Ça va au-delà de ça, mais je sais pas. Ouais, il y a un délire de je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Ok. En même temps, les voitures électriques. Après, c'est peut-être du pur vandalisme aussi, j'en sais rien. C'est possible. Là, en l'occurrence, ce n'est pas. Mais par Bruno contre, ça... vandalisme. Est-ce que c'est... Oh la vache, elle est vieille celle-là, la ref. Bien sûr. Quel plaisir. Quadricolore. Couleur primaire. Est-ce que c'est un son? Ce n'est pas un son. Ça projette ça, mais ça, quelque y a chose. Des antivols qui font ça. Pierre Lapin, pour ne pas le nommer. Oui. Son... Parce que je dis que les gens ne le nommer, pas hein. nommer. Ouais, mais j'arrive pas. Je peux pas m'en empêcher. Fais gaffe, hein. Pierre Lapin, son vélo, il fait un cri de lion. De lion. Ce qui est vraiment ridicule. Mais genre, si c'est drôle, si tu le bouges, ça fait. Ah bah oui, mais c'est si très, très fort. Mais d'une manière mignonne, c'est comme Simba. Il fait le hurlement. Oui, c'est vrai, c'est pas très. Mais c'est dès que tu touches, effectivement. Moi, j'avais. À Châtelet, j'avais mis mon vélo, qui est pas du tout un vélo électrique qui coûte cher. Donc j'avais juste un antivol de merde et vraiment j'étais collé à l'autre et du coup dès que j'essayais d'enlever mon vélo le vélo me hurlait dessus alors effectivement j'aurais préféré qu'il ait la voix de Bourville, ça aurait été beaucoup plus sympa. C'est pas mal, ça va arriver, ça pouvoir mettre son propre son là pareil s'il y a une société on est chaud. Ah tu le fais avec la voix de Yoda et ça. Oh là là, mais trop bien pour les geeks là. Je rappelle que moi mon Waze c'est à la voix du beauf de Benjamin Tranier. Bah ouais bien sûr, ça c'est cool. Douli l'avait fait aussi. Ouais, trop bien. Moi ça sera mon antivol. Ça sera le de Kaamelott. Bien sûr. Ah ouais. Moi je mettrais, je pense, Francis Huster qui dit tue-moi, championnat de Christ. Mais par contre, Adrien, tu dis ça a projeté une de la peinture. De la pisse. Mais non, mais ça a projeté une odeur. Une odeur. Une odeur très désagréable. Alors pas une odeur de prout, De skunk de, non, ouais. Mais je vais vous l'accorder. C'est ça, non. C'est une odeur on trouve l'odeur des œufs pourris. Caca. Non, pas caca. Du vomi. C'est un perso de Mortal Kombat. Pipi. Caca. Caca. Caca. Pipi. Oh, c'est bon. Le sperme. Eh, parce que Raphaël a une odeur de sperme. Je l'ai. Attends, c'est commencé depuis combien de temps, Flo, l'enregistrement? Là, on est sur 45 minutes. Après, j'en ai coupé 20, donc. Non, mais attends, 25 minutes avant sperme, c'est pas mal. Non, on est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Moi, je débunk ça, moi. Mais est-ce qu'il y a un truc que t'arriverais à ne pas débunker? J'ai l'impression que t'arriverais pas. Non, ah ouais, malheureusement, ouais. Fort les grandes quoi. Corporations. J'arrive pas à les débunker encore, mais je vais y arriver. Je suis à deux doigts de débunker Facebook, mais. On est pas loin. Non, je vais vous le dire, parce que vous l'avez, c'est juste une odeur de cadavre. Oh, bah, alors attention. Mais attends, quoi? Non, mais alors attention. Mais alors, oui. Ils vont donc il y a un nez, il y a un mec, cadavres. Son taf, c'est de sentir des choses. Donc il est là. Il faut. Monsieur, bonjour, monsieur le nez, que vous savez sentir les odeurs et que vous créez des choses. Oui. Vous pouvez faire l'odeur du cadavre. Et oui, bah, c'est ça. Il sent le truc. Oui, c'est bon, c'est ça, c'est le cadavre. Je vais tout vous raconter. En fait, c'est. Raconte-nous ouais. Tout. Ça s'appelle la putrécine. Et c'est le nom de la molécule qui est utilisée pour le processus de décomposition des cadavres. Bien sûr. Ouais. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on peut y mettre un nom. Tu vois ce que d'accord. Je veux dire, okay. Parce que c'est scientifique. Chaque année, près de 500. Scientifique. C'est scientifique. Non, c'est que me plaît. Chaque année, près de 580 000 vélos sont volés en France, soit plus de 1 par minute. Donc joli score. Ouais. Un fléau qui pousse 30% des victimes à abandonner totalement l'usage du vélo faute de pouvoir sécuriser leur monture selon le rapport de 2023 sur les vols de vélo. Et face à ce constat, Aïko Leroux, jeune entrepreneuse, a décidé de s'attaquer au problème par une approche radicale, un antivol qui libère une odeur insupportable en cas de tentative de vol, baptisé Cactus. Ce dispositif innovant repose sur un gaz inspiré des not processus. Not all cactus, but all right. Là où je vois pas le rapport avec un cactus. Cactus, bah, c'est un truc qui ne t'ose pas à toucher. Ça pique après. Ça pique. Oui, ouais. qui sent le cadavre. Rien à voir. Ouais, c'est mal. Je suis d'accord, c'est mal nommé. Je pense qu'ils ont déposé le nom. Moi, j'aurais appelé viande morte. Tu peux pas voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, il faut quand même que ce soit un peu vendeur. Si ça s'appelle le gros cadavre qui pue, bon, bah voilà. Au moins, ça. Ouais, mais moi, je pense si tu veux. Personne qui a un vélo a envie de se faire voler son vélo. Genre, je suis d'accord. Mais si t'as pas envie de te faire voler ton vélo au point d'acheter de l'odeur de cadavre pour pas qu'on te le pétasse. Surtout que ton vélo pue le cadavre après, quoi, du coup. A priori, ouais. Ah, c'est possible. Et moi, surtout, j'aurais. Ah, remarque, c'est un gaz, il dit, donc c'est peut-être ça. C'est pas projeté, je pense. Ouais. Après, par contre, si quand c'est sur toi, alors c'est ni toxique ni dangereux pour la santé, quand même, il le dit. Mais ça reste sur toi pendant des heures, quoi. C'est genre l'odeur est vraiment horrible, quoi. Mais moi, donc, c'est surtout que con comme je suis, ah, oui. C'est sûr que je pourrais manger un truc et m'asperger. J'aurais peur de ça. Moi, j'ai un vélo actuellement de chez Decathlon. Pour ne pas les nommer. Pour ne pas les nommer, évidemment. Attention, ce sera. Qui sont en train de moisir à quelques arrondissements d'ici. Puisque je l'ai laissé un peu longtemps sous la flotte, voulu le récupérer, la clé a verrouillé. C'est le principe d'une clé, de verrouiller. Non mais quoi. Ah non mais. Enfoiré de merde. Oui, c'est moi. On parle de moi. Je me reconnais bien là, oui. Un enfoiré de merde. Oui. Enfoiré de merde. Quoi? Vous parlez de moi ou quoi? Je suis Pumba. Désormais. T'as pas mangé d'Oreo? Eh non. Pas encore, mais. À ton avis, pourquoi? Parce que c'est un. Un enfoiré de merde. Et alors? Un enfoiré de merde. Qui va m'en empêcher? Tu peux me dire si t'en veux pas, hein. C'est pas grave. Je t'en voudrais pas. C'est pas. Si, c'est l'heure du goûter, ok, je vais en manger. Non, non, mais c'est. Et donc, oui, et j'ai essayé de le récupérer. Et sachez que ce vélo est encore là-bas. Toi, je passe à côté, je fais Géant. Oui, c'est le seul Géant. J'ai peur de me faire griller en train de voler mon propre vélo. Tu vois, j'ai peur d'avoir. Ouais, ça m'est arrivé. Mais tu vois, et moi, j'avais mis des gros antivols en plus. Tu sais, les U bien vénères là. Donc, en fait, si j'ai pas la clé, je l'ai dans le cul, quoi. J'ai la scie sauteuse, tu vois. La meuleuse. La meuleuse. Avoir des astuces de voleur de vélo. La compagnie Airbus a trouvé une solution pour maximiser l'espace dans leurs avions. À votre avis, comment? J'accepte plus les gros. Alors non, ça je crois qu'ils s'en foutent, hein, visiblement. Mais non, c'est différent. Oui, ça, historiquement, ils en ont rien. C'est ça. Non, c'est différent. Pour optimiser, ils ont enlevé les chiottards. Ils n'ont pas enlevé les chiottards. Ils ont enlevé quelque chose? Ils n'ont rien enlevé. Ils ont mis des sièges au-dessus des autres sièges. Mais c'est un enfoiré. Ah, t'es un enfoiré de merde. Un enfoiré de merde. Oui. Un enfoiré de merde. Je le mets. J'en ai avec des petites couchettes. Des sièges à étage, regardez, j'ai même. Oh là là, mais l'image. Ça t'a pas plaire. Regardez, et alors. Ah, mais c'est ignoble. C'est ignoble. Et, alors, ah ouais, il faut et il faut savoir quelque chose. Ah, bon. Il faut savoir quelque chose. Oui. C'est que sur les réseaux sociaux, les gens. Alors, tu sais peut-être. Non, vas-y. Il y a des gens qui sont parmi. T'as une tendance à lever la main. Mais elle est professionnelle de la radio. C'est un signe romain. On a fait chier. Non, les gens disent. Oui, mais alors le problème. Et si ça proute. Eh ben oui. Ah oui, eh oui. Bah moi, parce que le visage est vraiment face au cul. Sachant oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, sachant que c'est ce que tu fais dans l'avion, bah, de péter. Bah, avec bah, la non, pression de l'air. Interdiction de prouter dans l'avion. Tu rigoles. Ah ouais, bah, non, mais... Attends, parce vous voulez nous enlever ça aussi. Ah, les wokes, c'est bon, les wokes. Prout au chiottes. Mais attends, ça dure 12 heures parfois l'avion. Évidemment que t'as besoin de lâcher des caisses. Moi, je mourrais en pétant, moi. Si ça emmerde les wokes, tant pis. Et puis alors, si on t'enterre, vous laissez une petite. Je me chierai dessus demain si je veux. Mais toi, tu m'as déjà dit que tu voulais te chier dessus sur scène. Je suis en train de chier là. Comme Dalida. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme David. Jacques Brel, il se chiait dans le froc avant chaque concert tellement il avait le trac. Il chiait dans ses mains. Il chiait dans ses mains, Jacques Brel. Il tartinait ses munitions de merde. Et alors? Oui, bon, oui. Ok, là on est dans un vrai podcast à l'ancienne. Voilà. Et puis quoi? Qu'allez-vous faire? Ça m'a donc, donné chaud cette histoire de Jacques Brel. Il en enlève le sweat. Ah bah, enfin, le pull. Pour maximiser les profits, les compagnies multiplient les sièges dans la cabine et du coup, l'espace pour étirer les jambes se fait rare, provoquant régulièrement des plaintes. C'est, vrai, c'est vraiment très serré. Bah, Airbus fait équipe avec Chaise Longue, une start-up madrilène, pour mettre au point un concept inédit. Tu m'énerves, tout ce qu'a que tu Chaise Longue. Je mets pas un euro dans vos boîtes. Mais c'est dur de trouver des noms de boîtes aussi. C'est vrai. C'est très dur. Je suis en train de monter ma boîte. C'est dur. T'es en train de monter ta boîte? Ouais. Et t'as pas de nom? Bah, j'ai un nom, mais j'ai un peu honte quand même. Ouais, mais au moins, sourire ça sera clair. Quoi. Tu peux nous le dire, on le bip hein, si tu veux, mais vas-y. Ça va s'appeler MDB Productions. Hein. Oh, bah, c'est très bien. Moi, j'ai une histoire. En plus, tu peux inventer des faux acronymes, du coup, tu vois. Ah oui, tu peux dire, ah non, ça veut dire. Mandarine de Barcelone. Oh, je suis nul. Ah ouais. De Bouni, ça voulait rien dire. Alors que de si, c'est comme c'est le petit beignet là, les bulles. Non, mais tu sais, c'est comme NTM, il disait ça veut dire le Nord transmet le message. Non, ça veut dire nique ta mère. Non, moi j'ai une anecdote là-dessus. J'avais mon nom de boîte, j'avais une idée que je trouvais géniale qui a provoqué un fou rire moqueur de ma meuf. C'est et, quoi et a raison parce que c'était un peu nul. Attends, mais on tête, en a parlé bien. La semaine dernière ou... On n'a pas parlé dans le podcast, ah, on okay, a parlé d'accord. ensemble, mais je voulais que ma boîte s'appelle. J'ai honte, hein. Oiseau en V. Parce que je trouvais oiseau, que c'était ouais. Alors pourquoi, pourquoi? Parce que je voyais un peu la petite les animation oiseaux, non justement les dessins quand t'es petit ah. Et donc je voyais une petite animation sympa de comme dans okay, les débuts de film oui. Avec juste des petits oiseaux en V qui volent. Comme on les dessine quand on est petit. Comme quand on les dessine quand on est petit. Et ma meuf a mais pleuré de rire de oiseau en V. Mais c'est ça le problème. Mais t'es qui enfoiré? Francis Cabret. Tu es fauve en fait. Ouais, c'est ça, tu m'entends oiseau en V. Donc chaque rangée se trouve à hauteur normale soit une plateforme tu peux ouais soit à la hauteur normale soit à la plateforme surélevée. Ceux qui sont sur le niveau supérieur ont la possibilité d'incliner leur siège sans gêner les passagers derrière et ceux du bas ont plus de place pour leurs jambes. Par ailleurs, ce design fait fi des compartiments à bagages en hauteur pour optimiser l'espace. Ce qui, moi, je trouve, pose un autre problème, c'est où est-ce que tu mets tes bagages, tu vois. Ouais, oui. Ça, c'est pareil, les bagages en cabine. À main, souvent, c'est le bordel, ouais, quoi. Tu fonces comme c'est petit, comme un comme un bourrin. T'es là, tu fais exprès de prendre le petit bagage à main parce que t'as la flemme de taper la soute. Et là, on dit, madame, soute. Ah bah, oui, non, oui, non. C'est énervant, ah, c'est oui, énervant. Oui, c'est énervant. Je non, oui, oui, non. Je suis d'accord. Une fois, j'ai pleuré. Ah oui. Alors qu'en vrai j'avais le temps c'était d'attendre. C'était des vraies larmes. J'avais c'était le temps d'attendre. De et j'avais... Ça, et j'ai un bateau à prendre après. Je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. T'as un bateau à prendre après ton avion. Ça va, oui. Marie. Bah... Non, c'est une globe trotteuse. C'est une globe trotteuse. C'est surtout la planète qui a pleuré. Excuse-moi, t'es Tintin. Mille sabords. T'as pas vu ma houppette? Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais je comprends. Mais les aéroports, ça peut. Moi, j'avais petite anecdote. Quand je suis allé au Canada. Oui. Eh bien, le Canada, quand tu mets, tu fais ta demande, il y a l'équivalent de l'ESTA en fait pour aller au Québec. Ouais. Et je m'étais trompé quand j'avais mis les trucs du passeport. Ouais. Et en gros, le site ne m'avait pas corrigé. Donc j'avais mis un mauvais numéro de passeport. Il manquait genre une lettre ou un chiffre de mon passeport. Oh, et donc quand j'ai voulu embarquer, ils m'ont dit bah non, ça ne marche pas votre passeport. Ce n'est pas le même numéro. Donc j'ai dû refaire une demande et patienter la boule au ventre. La boule au ventre pour que ça passe. Avant que mon avion décolle, et j'ai eu de la chance vraiment, genre 20 minutes avant, le truc, j'ai reçu le mail de confirmation et j'ai pu prendre l'avion. Mais t'as pu éditer ton billet ou il a fallu t'en racheter? Non, j'avais dû racheter. Oh. Et donc, si je peux donner un petit conseil aux Québécois et aux Canadiens, bah dites quand ça rentre pas dans les bonnes cases du coup, parce que là vraiment c'était une faute d'inattention terrible. Vous demandez de l'écrire deux fois, comme les mots de passe, tu vois. Pas si mal. C'est pas bête ça. Pas si mal, mais si je peux me permettre. Si boulot celui-là. Non, mais bon, j'ai pas des bons noms de boîte, mais j'ai quand même 2-3 idées. Oiseau en mai. Si boulot la boîte, pourquoi pas. Ce serait pas mal. En Chine, une entreprise de pompes funèbres est prise d'assaut. À votre avis, pourquoi? Elle est gratuite. Alors elle n'est pas gratuite. Une entreprise. Elle propose un service pas piquer des verres. Alors, ce n'est. Oui. C'est le nom de la boîte d'ailleurs, c'est pas piquer les verres, c'est un truc qu'on entend en terre, mais dans l'air. Il n'y aura pas de verres qui vont t'attaquer, c'est dans une cage en verre. Non, alors, c'est effectivement. Alors, plus qu'un service. Enfin, c'est un service, t'as raison, c'est un service. Une forme d'inhumation. Alors, une non, de... voilà, qui n'a rien à voir avec un enterrement, une inhumation. La mise en pierre. Voilà, exactement, rien à voir. Ah, c'est. Ok. Je crois que je sais pas ce que ça veut dire être pris d'assaut. Bah, c'est plein de gens veulent y aller. Ouais, beaucoup de succès, un grand succès public. À ne pas confondre avec faire partie de la section d'assaut, qui est là, en gros, faire partie d'un groupe de rap. Un groupe de musique, Wati Bonne Journée, Wati Bon Podcast. Bah, bien sûr, évidemment. Des soirées, samedi soir, quelques fois. Ça me déçoit. Pour quelques billets de sang. Ça prend un gilet de sang. Ouais, ça. Oh, j'ai toutes ces rêves. Je les ai toutes. Oh là là. T'as pas la section d'assaut? Non, j'ai vraiment très peu de rap français. Ouais, 44. Je déconne. On a le même âge. Il est cultivé, moi non. Il est foudra. Il est foudra. Et ça, toute la night. Alors. Oh, madame Povoshko. Elle est grosse. Oh my god. Pas moyen de lui faire la cour. Eh oui. Eh oui. T'étais. Oui. Avec les bras sur les hanches. Eh oui. Et oui, alors, qui c'est qui veut dire ça alors? On valide. Pas de galère. Elle sort en cune. Ouais, prescription. Elle sort en cune, la section. Ok, ils sont pris d'assaut. Donc, ouais, tu vas aux pompes funèbres et tu as un petit truc en plus. Mais qui n'a rien à voir avec la cérémonie. Non, c'est vraiment. Imaginons, j'enterre. C'est à thème? Non. Non, mais Harry Potter. Ouais, c'est Harry Potter. Ça va me foutre en l'air. C'est déguisé. Non, mais en vrai, pourquoi pas. Non, c'est tu enterres ou tu vas faire inhumer quelqu'un de ta famille. Et une fois que c'est fait, on te propose un truc à toi. Pas un truc en rapport avec la personne décédée. On te propose un animatronique de. Alors, c'est de la bouffe. C'est de la bouffe. C'est pas un sandwich. Un gâteau. Un burger. Non, mais pas un burger. Un buffet. Non, c'est en Chine. C'est en Chine, donc c'est plutôt un plat plat de nouilles, tout simplement. Un délicieux. On dirait une fake news inventée par un raciste. Ouais. Et après, ils te proposent un plat de nouilles, les Chinois. Non, mais attends, ça va. Enfin, Florent. Aller aux pompes funèbres et déguster un plat de nouilles, cela peut paraître surprenant, mais c'est ce que propose un funérarium au sud-ouest de la Chine aux familles endeuillées. Sauf que depuis quelques semaines, la réputation de ces nouilles s'est propagée, si bien que des clients non endeuillés y affluent pour les goûter. Ils s'habillent en noir, tu sais, ils y vont, ils font un peu la gueule. Genre. Oh, mais c'est ça. C'est devenu un resto qui. Accessoirement, parfois enterre des gens aussi, quoi. Mais ça coûte grave cher de faire enterrer quelqu'un. Ça devient l'inverse. On peut aussi enterrer. Si vous mourrez, on a de quoi faire. Hein. Vous enterrez gratos. Hein. Alors en fait, tu peux payer que le repas. C'est ça qui est un peu mal foutu. Dans la petite ville de Kaili, dans la province de Guizhou, l'entreprise Erlang possède une cantine réservée aux clients du funérarium. Les familles et proches de personnes décédées. Et selon la BBC, le funérarium y propose différents types de plats pour le petit déjeuner et le dîner qui coûtent 10 yuan par bol. Donc ça donne 1,38€. Et il y a une recette en chili à base de nouilles de riz, de porc haché, de cacahuètes qui est devenue célèbre. Délicieux. Et en gros, il y a plein de gens qui y vont pour juste manger ça et profiter de ce délicieux plat. Tout simplement. Est-ce que vous avez déjà imaginé votre enterrement? La la la la la la la la la la enfoiré de merde. Quoi? Je suis mort. C'est l'enfoiré de merde. Alors, je reconnais. Toi qui as peur de la mort. Bien sûr. Moi j'y pense. J'ai un souvenir très net de. Je devais avoir 10-11 ans. Ouais. Et tu sais, c'est ces moments où tu te dis est-ce que Virginie est amoureuse de moi? Et ben, est-ce qu'elle pleurerait à mon enterrement? Et j'ai pensé à ça, mais genre en primaire, j'y pensais. Ok. Et après, ça m'est complètement passé. Ah oui, t'as plus pu penser. Non, parce que la peur que ça arrive a pris le dessus, je crois. Parler, déteste et donc. Mais tu t'es jamais dit j'aimerais que genre être incinéré, être enterré, j'aimerais que ce soit comme ci comme ça. J'ai jamais pensé à ça. Si. Oui, les détails. Crucifié peut-être face à Jérusalem. Toi, moi, c'est mon vœu. Ça me permettrait d'être torse nu. Moi, je me jette dans la mer, mais pas. Après m'être fait incinérer. Alors, je vous balance dans un sac. Un sac poubelle. Et deux. Et trois. Salut Marie. Et ben. Ah merde, le ressac. Elle s'est pas nager la conne. Je déconne, allez. Ah, excellent. Ouais, j'aime bien. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Ouais, bien. On l'a dispersé dans la mer. Ah ouais, c'est cendre. Non, non, non, non. C'est membre. Elle ah, non. Bah, je prends le pied et je l'emmène dans la mer Égée. Ok. Dans des papiers emballage cadeau comme dans le Père Noël. Non, quand j'étais petit, c'était vraiment la crainte de si je meurs, il y a rien après. Ça, j'arrivais pas du tout à le. Ah, bah, c'est ça qui me terrorise. Oui, oui, c'est ça. Bah ouais. Non, moi ça va mieux maintenant. C'est moi, ça me repose. Mais oui, mais on est d'accord. On va encore faire des trucs encore après. T'as déjà imaginé ton enterrement, toi, Adrien? Non, et en fait, enfin oui, à une époque, j'ai eu une époque où je me disais, ah, j'aimerais bien une idée marrante pour mon truc, et puis après je fais, mais on s'en branle, ta gueule en fait quoi. Ouais, non mais oui, non, mais tellement, genre t'es mort, ferme là quoi. Et bah en fait le truc c'est que c'est tellement les funérailles et tout ce qu'on fait du corps, c'est tellement pour les gens qui restent. Bien sûr. Que je sais pas quoi choisir en fait. J'ai envie de dire aux gens, bah faites ce qui vous fait du bien à vous, si vous voulez m'incinérer. Enfin, je m'en fous en fait. Déjà, moi je pense que je ferais en sorte que ce soit le moins chiant possible. Ouais, pour, exactement. Hein. C'est pour à la limite ça. Je paye, j'organise, je mets de côté, il n'y a pas de galère. Tu fais une donation à tes proches avant de mourir. Bah, de toute façon, généralement. Et un peu d'expérience. Non, mais généralement, du coup, tu prends une. Enfin, si la personne a de l'argent sur son compte, une partie de l'argent, tu l'utilises pour payer les. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, les personnes qui héritent. Utilise la thune pour. Mais moi, t'as pas besoin de faire un don. Enfin, normalement, c'est inclus dans le truc, quoi. Sauf si la personne qui hérite dit non, je garde tout pour moi. Sauf si la personne qui décède est juste endettée et n'a pas de thune. Oui, bien sûr. Là, faut que quelqu'un paye. Et là, c'est chiant. Tu hérites des dettes, c'est super. Moi, ma question, c'était plus. Pas forcément un vœu précis, mais peut-être. Enfin, tu vois, il y a des gens, par exemple, ils disent oh, moi, j'espère qu'on rira à mon enterrement, tu vois. Ouais, mais. Comme ça. Mais moi, ça, moi, même pas vraiment. Non plus. Moi, je m'en fous, j'ai envie que les gens y fassent. Chialer, qui... soyez triste, là. T'es baisé ou quoi? Non, mais moi, je trouvais ça cool. Elle était marrante, elle était humoriste. Non, tu prends tes larmes, tu es cool, là. J'étais trop sympa. Soyez triste que je sois parti. Non, mais moi, j'ai des souvenirs. En fait, je trouve ça beau. Il y avait les Monty Python quand ils avaient enterré. Je sais plus lequel, hélas, mais celui qui est décédé. Eric Gilliam. Non, il va très bien. Non, pas pourtant, bon, je sais plus, John Cleese. Arrête maintenant. Eric Idle. En fait, il faisait un peu des vannes. Et ça, moi, je trouve ça cool quand même. Tu vois, les gens font ce qu'ils veulent. Et Gary Shandling, quand il est mort, il y avait Kevin Nealon. J'avoue qu'un roast, j'allais dire un roast, clairement, c'est pas mal. Moi, je trouve ça cool, tu vois. Marie, un peu de respect. Non, mais un roast à une crémation, c'est drôle. Un roast. Pendant que t'es en train de te faire roaster, c'était un peu. Ouais, mais le truc, c'est ce que t'as dit, c'est que les vivants, faut que ça les fasse marrer. Ah, bien sûr. Ça. Et, là, ça dépend combien il y a de gens, tu vois. Mais il y a peut-être une partie qui sera là. Bon, vos vannes de merde là. Bon, tu vois. Oui, bon, les pisse froid là. Vous niquez l'ambiance. tu dis, on va procéder au roast. Si ça vous plaît pas, vous sortez. Oui, oui, moi je l'ai fait un enterrement. Les nuls, là. Moi, je me suis fait un enterrement où on s'est tapé Axel Bauer, donc pardon. En live. Donc, il était là, moi, il y aura 2-3 roses, il a tapé, il a fait je peux, j'ai rien, hein, souvent, j'ai aucune date, mais j'ai aucun gig. Quand tu meurs de vieillesse, tu vois un peu la fameuse mort naturelle, t'as eu une belle vie, machin. En vrai, les enterrements peuvent être un peu marrants. Oui, bah, oui. Un peu, bon, ouais, c'est un peu triste, mais ça va, voilà. Oui, quand juste c'est la tragique. Vie. Quand c'est tragique, putain. Mais, oui, c'est ça, ouais, non, évidemment. Ouais. Évidemment, ah, c'est un peu surprenant. Chier. Ouais, mais bon, oui. Mais si tu vois, à la limite, il faudrait presque faire un pré-enterrement. Si tu vois la fin arriver ou une maladie ou un truc, tu dis venez, je fais une soirée et au moins j'assiste à mon au revoir, tu vois. Non mais là, ouais, je c'est pas mal. Parce que moi c'était plutôt quand tu sais que tu vas mourir. Ouais, un truc comme ça, tu vois, dans un monde idéal bien sûr. Mais tu vois, dans un des fois moi je faisais un peu ce rêve là de me dire ah, j'aimerais bien voir mon propre comme enterrement Ross, pour voir ce qui se dit comme Ross dans Friends. C'est mon oncle qui bon savait ouf, qu'il allait mourir dans les prochains jours quoi, okay. Un truc comme ça de vieillesse, okay, et tout machin, genre franchement c'était pas. Et mais du coup il y a pu avoir tous ces petits enfants, tous ces enfants qui viennent, et ils ont un peu fait la, bah un peu la dernière night où ils allaient tous se voir et tout. C'est mignon quand même, c'est beau de ouf. C'est presque un pitch de film, je trouve. Non, ça pourrait faire un film. Et en fait, tu meurs pas. C'est du coup, c'était. Il y a plein de choses qui ont été dites. Ça, c'est un pitch de murder party. Toutes les murder parties de France. Moi, juste pour la blague, j'ai avec un de mes groupes de potes, je leur avais dit exactement ce que je voulais à ma mort. Et évidemment, ils feront jamais ça parce que c'est pas possible. Je voulais faire le signe de Joule à l'infini. Donc, il fallait qu'ils trouvent un moyen que. Ah oui, des petits ressorts. Avec un petit servomoteur. Comme dans It's a Small World, un peu. Bah, comme les vitrines des Gary Lafayette à Noël. Les frères Poulain nous écoutent. Un petit défi, une petite vidéo. Défi. Ah oui, non, les frères Poulain, je confonds. Pardon, je confondais avec les deux gars qui font du ping-pong. Je disais, quel rapport. Non, non, aucun lien, non. Les makers, les makers. Bien sûr, ça fait une petite vidéo. Ouais, sympa. De comment faire avec fit un... Marie de Brouwer, mais dead. Non, mais tu fais la vidéo avant, tu fais le fit avant. Et jouer que la musique, ça soit Et alors de Chaim. Et alors, qu'est-ce que ça fait si je n'aime pas les protocoles? Elle les peut venir aussi, elle peut venir le faire. Ouais, en donc live. Tu veux qu'on chiale, mais il faut que tu fasses le physique de Jules sur du Chaim. Peut-être des signaux un peu contradictoires, si je peux me permettre. Mais c'est pour de faux, ils le font pas. C'est pour mettre à l'épreuve ceux qui ont vraiment envie de chialer, quoi. C'est ce que là, tu fais des diversions. Mais en vrai, moi, c'est vraiment, je veux, je le dis d'ailleurs comme ça, c'est gravé dans la roche, Sniper. Ouais. Tout, hein. Faites le truc le moins chiant, le moins cher pour vous, quoi. Ouais. Vraiment, gardez l'argent pour mon argent. Gardez mon argent pour. Je sais même pas qui va hériter de moi, d'ailleurs. Moi, je crois. Tu vois, de ce coup, c'était lui. Ah ouais, c'est moi. C'est qui ça les papiers qu'on a signés. T'es neveu et nièce, t'es neveu et nièce, a priori. Ah ouais? Tu fais ça, ça se passe? Tu fais le fait jusqu'à ce que je décide que t'arrêtes. Et tu me donnes tout ton argent quand tu meurs. D'accord. Voilà. Après, mais regarde, j'ai deux cornes sur mon crâne. Ah oui, je suis bien depuis le début. Enfin, je suis Belzébuth. Et cette petite queue avec une petite pointe. Je suis Belzébuth, des enfants. Oui, je suis Belzébuth. Et bah, on se revoit après ma mort, du coup. En Angleterre. On va trouver mes parents. En Angleterre. Eh oui. Tu as retrouvé tes parents en Angleterre? Quoi? Les deux? Ah bah oui. Ah tu penses? Ah bah c'est certain. Ah d'accord. On en reparle après. Ah oui, c'est bon. Enfoiré de merde. Oui. C'est l'enfoiré. J'ai parlé de mes parents morts encore une fois. Un choc. C'est un même ou quoi? Eh, on fait un bingo. Un bingo du Floodcast. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Bah alors on fait un roast. Je suis un peu le t'es Pumba mais bourré. C'est le génie d'Aladin un peu aussi, non? Ah oui, oui. Mais sale vibe quand même. Un petit peu sale vibe Aladin. Il a 103 chameaux et chamelles. Oui, Simone. Non, c'est ça qu'il dit, oui. Oui, je sais plus ce qu'il dit exactement. Ah, ça m'a fait beaucoup ça de bien. Ça me fait mal à... Oui. Mais c'est ça en fait, c'était plus lui que Pumba en fait. Oui, oui. Sont-ils pas mignons, Simone? Oui, c'est ça, bien joué. Je le fais bien un peu, non? Là, il y a quelque chose, hein. Non, parce qu'on m'a humilié sur, sur Vincent Lindon la dernière fois. Qui a fait t'a humilié? Mais si. Ah oui, quelqu'un a dit qui. Je l'ai imité, il a fait. Ah ouais, non, tu l'as pas. Pas. Aussi, mais peu. C'était pas. C'était Suzanne Lindon. Je sais plus. Qui trouvait que t'avais fait un peu ton erreur. Que j'avais arrêté dans la rue pour dire. Vous avez regardé le documentaire sur Vincent Lindon? Oui, oui, oui. Ok. Il fait, quand il parle d'Equalizer, moi j'ai bien aimé. Ok. Le film avec Denzel. Denzel Washington, il y a Vincent Lindon qui raconte Equalizer et c'est pas mal. Et c'est pas mal. C'est un bon pitch, tu me l'as vendu. Mais c'était pas du tout, Hugo Décrypte, c'est ça? Ah non, non, là, c'est un vrai documentaire sur Arte. Il y a un documentaire. Ouais, sur Arte. Ah oui, parce qu'il l'a. Attends, Hugo Décrypte, il a interviewé. Une interview de Vincent Lindon par Hugo Décrypte, monsieur. Mais il y a eu Guillaume Play aussi, non? Non, non, Guillaume Play, il l'a pas fait. Ah ouais? Guillaume Play, non. Mais Hugo Décrypte a interviewé Nicolas Sarkozy. Ah oui, ça l'a fait. En Angleterre, en Angleterre, un boxeur s'est pris une amende de 118 000 euros à cause d'un mauvais geste dans une conférence de presse, à votre avis? Quel a été ce mauvais geste? Il a prouté. Non. Crotte de nez. Non. Un bisou sur la bouche. Non, pas un bisou sur la bouche. Un salut romain. Il y en a qui le font. Pas de salut romain. Ah, c'est un doigt d'honneur? Pas de doigt d'honneur, non, non. Un truc, c'est un truc comme ça? Un truc un peu agressif, ouais, ouais. C'est un geste. C'est agressif. Vraiment, c'est un geste? C'est-à-dire, oui, oui. C'est pas un truc qu'il a dit, c'est pas un truc qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a fait, c'est une vraie, un truc qu'il a fait. Un bras d'honneur? Pas un bras d'honneur. Il a frappé quelqu'un? Il n'a pas frappé. Il a craché sur quelqu'un? Il a pas craché. En revanche, c'est effectivement parti en baston derrière. Mais est-ce qu'il il a provoqué? Il a dabé. Non, il a pas. Il a effectué le dab d'ailleurs. Ouais, ça le rend faire une référence. Ça va. Je suis mort de pas les gens. Il a effectué le dab. Il lui a versé un seau glacé sur la tête. Non. Ils ont fait un Harlem Shake. Il a bu une cuillère de cannelle. Il a toussé après. Mais putain là. Chubby Bunny. Non, vous l'avez. Putain, moi je n'ai pas Chubby Bunny. Ah si, Chubby Bunny. Ah j'ai pas. Gangnam Style. La chanson. Whoop. Ça me manque. Whoop. Ouais. Ah ouais. Moi j'aimais bien. Moi c'est le Harlem Shake, je trouve que ça tabasse vraiment. J'adore ce morceau. Et puis c'était agréable à voir à chaque fois. Oui, mais moi j'aimais beaucoup le Harlem Shake. Réhabilitons le Harlem Shake. Ouais, franchement, on en a besoin en ce moment. Franchement, moi je suis très nostalgique en ce moment. Ah ouais. Ouais. Ah bon, ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Mais t'es nostalgique de quand? N'importe quand, sauf maintenant. avant, de, avant Macron. A, non, mais le Covid, là. 2000 Ah ouais, là, j'avoue, j'avais 5 piges, je suis pas. Non. Pichoune, quoi. Non, non, mais non, un peu. Non, bref, pardon. Non, mais il a fait un geste. Il a fait une action, même. Un mauvais. Ah, c'est un action. C'est une action qu'il a fait contre son adversaire. Donc, est-ce qu'il l'a touché physiquement en faisant ça? Oui. Oui. Les la... oreilles de lapin. Bah, une petite olive. Un peu... non, olive. Non, pas une olive. Une pichenette. Dans le cul. Pas une pichenette. Ah, ah non, oui, dans le cul, ça a été dit. Non, d'accord. Ça a été dit. Je t'ai coupé l'herbe. Il lui a soupesé les couilles. Non, je sais pas. Mais en disant, c'est belle couille ça. Ça, c'est belle couille. En ça, disant, c'est une belle il a couille, un peu plus, je laisse. Je le mets quand même. Croche-patte. Pas croche-patte. Il a dit belle bite. Non. Belle bite en mer. Est-ce qu'il a est-ce qu'il a décaloté pendant la pesée? Non. Alors vous pouvez partir de la tub. Hein. C'est bon. Ouais, mais j'ai envie de rester. C'est parce que c'est des garçons en fait. Il faut qu'ils partent d'ici. Oui, mais c'est important pour nous. Oh les garçons là, on peut plus. Pardon, on arrête. Marie mère. Pardon. Blague de tub qu'on a coupé à ta demande. Couille chat bite, allez hop, j'adore ça. Pas à nous Marie. Une chronique sur deux. Almobile. Voilà. Calmos. Ok. Alors. Un truc violent? Non, pas du tout. Humiliant. Un truc de gamin? Un peu humiliant. Un peu de gamin? Un peu de gamin, moi je trouve. Est-ce qu'il lui a fait une frite sur la tête? Ah, il lui a pris la main, il lui a dit arrête de te taper. Pourquoi tu te tapes? Une petite gifle. Pas une petite gifle. Comment ça s'appelle le truc où tu te lèches le doigt et tu le mets dans l'oreille là? Ah oui, un wedgie en anglais, mais. Non, wedgie c'est quand tu tires le slip. Attends, c'est quoi? C'est wet willy. Un wet willy, ouais. Vous confondez toutes les humiliations. Mais ça en français, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, je pense. Un doigt mouillé dans l'oreille. Ouais, voilà. Nous, il y avait bite au poteau. Non, couille au poteau, pardon. Bite au serrage. Ah, tu prends les jambes et tu fais. Ouais. Ah, oui, mais là, c'est ah, ignoble, ça. Et sur un poteau, ouais. Oh, ça m'est arrivé, hélas. Ça m'est arrivé. Quelqu'un te l'a fait? Ah, bon, j'ai envie de te faire un câlin. La quelqu'un honte me l'a fait toi. Chaque semaine pendant la classe de 4ème. Tout... Ah, bah ouais, quel oui, bien enfer. Sûr. Non, c'était plus couille. Mais genre, c'était. Pardon. Non, mais non, bah, si le trauma est trop fort, mais j'ai une question. Est-ce que, genre, c'était le jeudi, c'est le jour de la bite au poteau de Florent ou. Non, non, ça changeait à chaque fois. C'est quand tu dis jeudi. Il est 14h. Après, j'avais réussi un peu à. Tu vois, avec la cuisse. C'est ce qui te tue pas rend tes couilles plus fortes, hein, je rappelle. C'est vrai. Il y avait le bras d'or, il y avait les couilles, les bras, couilles d'acier. Les couilles de titane. Couilles de titane, Florent Bernard. Alors, c'est pas ce qui est arrivé à ce boxeur. Une chicnode. C'est quoi? C'est. Ah non. Une pichenette quoi. Est-ce que c'est un truc un peu homophobe? Non. C'est un truc avec un. Comment dire? Pas un objet, mais il y a. Voilà, c'est ça, il y a un accessoire. Il lui a mis un chapeau? Non. Je sais pas, écoute. Oh la honte, il lui a mis Fedora, regardez-le. Fedora, oui, non, mais il aurait pu lui mettre une casquette Mec America Great Again. Ah oui, non. Maga. Non, putain, ce qui est arrivé d'ailleurs, je fais une parenthèse. Il y a un youtubeur américain qui a battu le record de combien de temps tu restes debout, immobile. Donc je crois qu'il est resté genre 38 heures debout dans la rue. D'accord. Riless. Non, et c'était en live sur Twitch, je crois. Ouais. Et en fait, j'ai vu une compile. De en fait les gens venaient juste être horribles avec lui quoi. Ah bah et vraiment oui. Ça montrait à quel l'humanité. Point l'humanité horrible. L'humanité des, une meuf qui lui mettait un truc dans la bouche parce que le mec avait pas le droit de bouger du tout quoi. Ouais, et il y a un gars justement c'est pour ça que j'y pense, il y a un gars qui lui mettait une casquette MAGA sur la tête quoi. Relou. Super trop marrant quoi. Super. C'est gâché, et un gars qui lui vidait une bouteille de moutarde sur la gueule aussi. Mais et l'autre avait pas le droit de incroyable. S'essuyer mais il y a une bonne âme qui plus tard est venue l'essuyer. Six heures plus tard, par contre. Mais bon, possible, hein, possiblement. Ouais. Mais il voulait juste battre un record ou il faisait une performance genre Marina Abramovic. Justement, quand j'ai raconté ça, quelqu'un m'a évoqué ça, mais je crois que non, c'était juste il voulait battre le record et juste leur les corps. Gens sont venus le faire chier quoi. Ok. Voilà. Des salauds alors. Bon, il a battu le record. Et je me demande comment il a fait pour ne pas se pisser dessus. Peut-être qu'il l'a fait. Il s'est sûrement pissé dessus, non? Bah, je sais pas. Bah, petite gourde, bah, pisser, c'est bouger, non? Et pousser, c'est tromper. Ouais, ton urètre. Et l'alcool, c'est de l'eau. Ah, son urètre a tressailli. Ah, ça ne marche pas. C'est con, au bout de 28 heures. Il bande. Désolé. Aïe. Il a bandé, c'est bougé. Un album qu'on sort bientôt, hein, mais, bien sûr. Non, bandé, bougé, c'est ce qu'ils te disent dans les pubs quand il y a des pubs pour Kinder Bueno. Bah oui. Bandé, bougé. Point N1.com. Ne mangez pas trop quand vous êtes salé. Bandez, c'est bouger. Bandez, bouger. Bandez, bouger chaque jour. Marie, attends, tu voulais dire un truc? Je voulais dire. Bah non, mais j'essaie de deviner encore. Mais bien sûr. Je suis interrompu pour. Pour. Pardon. Continuons. Non, pour faire, pour faire ce que va dire Florent. Pardon. Est-ce que l'objet, c'est le portable? Non, ce n'est pas un objet à proprement parler. Ah bon? Non, c'est quoi, un accessoire, c'est quelque chose. Il a utilisé. Les accessoires sont pas des objets? Non, ça peut être. Est-ce que pour toi, une un Kinder Bueno est un objet, par exemple? Oui. Ah oui. Ouais. Bon, c'est un truc quoi qui se tient. Ah mais vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça que je me permets. Quelque chose de physique. Bon, c'est de la bouffe. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. Une tarte à la crème. Non, mais on s'approche. Un truc un peu. Tarte au caca. Non. Caca. Au pipi, au sperme. Et aux couilles. Et à la bite. Retour du héros de Mortal Kombat 2. Une tarte au sperme. Moi je prends pas de plaisir à dire caca. C'est juste que je sais que c'est souvent la bonne réponse. Et aussi, je prends énormément de plaisir à le dire. Je retire ce que j'ai dit. Oh, j'ai changé d'avis. Enfoiré. Enfoiré de merde. Je suis une girouette ou quoi? Caca, oui, oui. C'est tout ce qui me reste. Alors, non, moi, j'applaudis pas, je clap clap parce ben qu'on oui. est dans une AG en fait. AG du podcast, bien sûr. Exactement. Évidemment. L'AG de oiseau à enlever. Est-ce qu'il a pris quelque chose dans sa bouche pour le non. Alors, la gueule de l'autre. Est-ce que c'est raciste? Ça, c'est non, c'est pas raciste. Ok. Okay. Non. C'est pas un plat raciste. Il a acheté des petits pop-corn au visage? Pas des pop-corn, il a écrasé quelque chose sur sa tête. Un œuf. Un œuf. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Un œuf cru. Il lui a écrasé un œuf sur sa gueule et c'est 118 000 euros d'amende. Wow. Cher payé tout de même. Cher pour un œuf. Bah ouais. 118 000 je l'ai fait euros. À mon père quand j'étais petit. Ah, tu vois? Parce qu'en gros, j'ai pris un œuf et je me suis dit. Ah, c'est un œuf dur. Allez. Je vais faire croire à mon père que je lui écrase un œuf sur la tête et il va flipper et il va se rendre compte que c'est un œuf dur. Il va faire oh, tu m'as fait peur. C'était un œuf frais. Je lui juste il était à table avec tout le monde et je lui ai éclaté un œuf sur la tête. Il l'a pris comment? Il l'a pris comment? Bah, il a été un peu sidéré quoi. Genre, ouais, mais il est taré hein. Et en fait tout le monde a rigolé et du coup il s'est marré. Mais... Et après je lui ai dit oh putain, mais je pensais que c'était un œuf dur. Et tu sais que ça c'est un vrai truc de des fois bah, je repense à des trucs que j'ai fait ado et je pense vraiment ou enfant. Et mes parents ont dû faire qu'est-ce qu'il fait on lui fait les couilles de poteau. Non mais je me suis renseigné, on peut pas. Clairement, on lui fait les couilles de poteau. T'as ça avec ta fille ou pas? Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, moi des fois elle me juge. Bah alors c'est la c'est l'inverse. Ah oui, là. Ah, oui ouais, c'est ouais. L'adulte des deux quoi. C'est toujours toi le zozo de l'histoire. Je le balance sous le bus pour ne pas le nommer bien sûr. Baptiste Le Caplain était venu et il avait voulu faire une blague à ma fille, une blague pour les bébés tu vois. Donc il dit Jojo ouvre la boîte et il ouvre la boîte et il fait un bruit de fruits. Bien sûr. Moi et ça vraiment, me fait encore rire. Ma moi, fille j'adore. L'a regardé, m'a regardé moi et s'est barré sans rire. C'était incroyable après, de elle m'étonner. A claqué la porte de sa chambre, elle a dit mais c'est qui ce bouffon? Qu'est-ce qu'il fout chez c'est moi? C'est niveau zéro de l'humour putain. Elle a dit c'est toi, de c'est toi qui l'as écrite celle-là aussi. Il me faut une prémisse. C'est drôle. Donc oui. Elle mais a non, un petit moi, timing comique déjà elle est très drôle. J'ai une anecdote œuf. Un écœur. Puisque un jour, à un âge bien trop avancé, hein, c'est de l'ordre de 17 piges, je pense, on m'a dit, tu sais que Marie, si tu serres un œuf, mais avec toute ta poigne, il va pas se casser, parce que genre... Fait avoir. Et bah, je me suis fait avoir comme une conne, quoi. Et j'ai en fait... Et fait, ok, bon bah, j'ai cassé un œuf. On peut continuer cette soirée, en fait. T'as voilà. Perdu un œuf et un t-shirt. Après, non parce que ça a pas. Il ça est pas... nul ce date. Je pense je que vais c'est rentrer. Pas... C'est pas le bon en fait. Tu ne seras pas le père de mes enfants, sûrement pas. Est-ce que t'es en train de regarder si le chien il va bien? Oui, oui, oui. Et j'adore. Non mais elle est devant la porte. Je fais pareil, j'ai ma petite. Elle est allongée devant la porte, donc je j'aime pas trop. Tu lui manques. Elle t'attend. Je sais pas pourquoi. Mais pour empêcher que le vent passe. Moi j'ai oublié de mettre. J'ai oublié. Normalement, j'étais censé en partant mettre à la chienne un truc où il y a du fromage dedans et comme ça elle passe du temps à essayer de choper le fromage à l'intérieur. Oui, oui, oui, j'ai déjà vu ça. Et je vais faire ça à ma fille. J'ai oublié. Ah mon Dieu. Et voilà. Du coup, elle se fait chier là. Alors j'allais vous poser la question. C'est quoi? T'as un peu répondu, Adrien. C'est quoi la plus grosse crasse slash mauvaise blague que vous avez faite enfant plutôt hein, voilà on va pas se putain sens d'être plongé dans les choses. J'avais fait un piège hein. À mon frère une fois. Ah ouais. J'avais en gros il y avait la porte de ma chambre et juste à côté il y avait une armoire et du coup j'avais mis un gros livre sur l'armoire. Okay. Et j'avais attaché le livre au haut de la porte. Okay. J'avais fermé la porte et je lui avais dit viens voir. Il avait ouvert la porte et avec effet balancier, il s'était pris le livre dans la gueule. Les pranks, hein, c'est marrant les pranks. Hein. Oui, donc, tout ce qu'il vous raconte sur c'était vraiment une faible vengeance par rapport oui, à parce que des chiens. Il te mal venait, oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Et d'ailleurs, tout ce qu'il vous raconte sur ces histoires de rugby où il s'est cassé le nez, c'est pas vrai. C'est la seule fois où c'était une chopette. Non, toi, Lucien. Alors, moi, je faisais pas trop de prank, mais j'ai une anecdote de j'ai fait du mal à mon petit frère. je l'avais déjà raconté, mais chez Valentin et Julien Jocelyn à Skip. Ah oui? Mais j'aime bien cette anecdote parce que vraiment, c'est horrible d'avoir fait ça, mais j'ai pas fait exprès. Ah, excusez-moi, il y a une chroniqueuse, Et bonjour, on entre. Johan, on est en train de faire l'émission de papa et de tonton Adrien. Ah, c'est gentil, oh, mon amour, merci gentil, beaucoup. Adorable. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Non, j'ai rien dit. Non. pardon, on t'a coupé, Lucien, donc. Mm-hmm. Un truc que tu as fait. T'as fait chier ton frère sur quoi ? J'ai fait plus que chier, je l'ai fait saigner des couilles. Oh non ! Voilà, est-ce que vous voulez l'anecdote ? Maintenant, bah, j'ai oui. dit le résultat. Bah, le titre est top. On jouait, si c'était un bouquin, il serait déjà acheté. On jouait au catch. Ouais. Et bon, on a 6 ans et demi d'écart. Ouais. Donc moi, j'avais 12 ans, genre, et lui 5. Donc il était facile à retourner à faire des prises de catch. Donc à un moment. Le marteau pilon. Voilà, je le retourne pour faire le marteau pilon. Donc il a littéralement les cuisses sur mes épaules. Ouais. Et je m'apprête à faire semblant. On faisait sur le lit et tout. Je lui faisais pas bien mal. Sûr, t'es pas et là, il me fait genre une prise. Tu vois, il me fait une attaque. Et moi, en réflexe, je l'ai mordu. Et j'ai voulu le mordre à la cuisse. Sauf que j'ai chopé la peau des couilles. Ah, et je l'ai fait saigner des couilles. Voilà, comme ça. Ah, t'as croqué la couille de mon frère. À pleine dent. Et maintenant, si vous avez une idée du physique de Max, c'est plus possible. Je peux plus le faire. Vraiment, il met 40 kilos. Moi, j'ai galéré à lui mordre des couilles. Ouais, c'est bien. Ah, si le crowdfunding Bonne Auberge arrive à 300%, Lucien lui mord les couilles en live. On est au-delà de 300%, pardon. Excusez-moi. S'il arrive à 3000%, là ça mord les couilles. Non, il me mordra les couilles. Ça fera une belle vengeance. Ça me fait plaisir. Une nouvelle fonctionnalité va arriver sur TikTok. À votre avis, laquelle ? C'est un truc de modération ? Alors, non, sans doute pas. Bah, d'une certaine manière. Ça permet ça, entre autres. Ouais. C'est un filtre ? Ah, je sais. Tu l'as ? Il faut que je le formule dans ma tête avant. Je t'en supplie. Et que j'arrête de bouffer en fait. Il y a ça aussi. Grossophobe. Et alors voilà, ça non plus, on a plus le droit. Je suis pas au courant. C'est un truc pour les parents. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Les parents peuvent espionner leurs enfants à travers TikTok. Non, c'est ils là, peuvent c'est activer pas la caméra, quand caméra frontale de leur gosse. Non, à travers, non, mais il peut y avoir une version contrôle parental de. Il peut y avoir un contrôle parental de TikTok. Ah, ils doivent valider les posts de leurs enfants. Alors, un compte pas, adolescent. C'est pas les posts sur Insta. En fait, c'est un peu comme ça. C'est comme un peu ça. C'est la connexion famille. Donc ça concerne que l'Union européenne pour le moment. Ouais. Enfin, en tout cas, ça vient d'arriver dans l'Union européenne. Les parents peuvent désormais limiter le temps d'écran que passent les adolescents sur TikTok, comme l'a annoncé le réseau social lui-même. Déjà. Oui. Non, mais là avec un vrai truc, tu vas voir. le mode connexion famille permet aux parents de bloquer temporairement l'accès de leurs adolescents à TikTok pendant des périodes données qu'ils contrôlent grâce à la fonctionnalité temps hors écran, similaire à ce que propose déjà effectivement Instagram depuis quelques mois. Cette fonction temps hors écran bloque provisoirement l'accès aux applications aux 13-17 ans, ne peut être contournée sauf si l'adulte la déverrouille à l'aide d'un code parental unique. Est-ce que les adultes peuvent installer cet add-on ? Parce que moi, c'est pour ça que j'ai arrêté TikTok. Ça me mangeait mes soirées. Quoi. Non, mais il faudrait en vrai. Le réseau social va également lancer une fonctionnalité méditation pour les moins de 16 ans à partir de 22h. J'y crois peu, ça. Le fil de vidéo pour toi sera interrompu pour proposer des exercices de relaxation accompagnés d'une musique apaisante qui pourront être désactivés. C'est comme c'est les TikTok, les faux TikTok de hop, t'as pas des crampes aux pouces à force, machin. C'est, je crois, de loin les TikTok les plus énervants. Ah, y'a ça, putain, mais pas TikTok. Oui, en fait, c'est quand tu scrolles. C'est des créateurs en plus. Depuis genre une heure, ils font des collabs avec des gros TikTokers et TikTokeuses pour qu'ils se disent top, attends, fais une petite pause, peut-être va aux toilettes, bois un verre d'eau, et t'as envie de les goumer, de les foutre dans le mur. En même temps, est-ce que ça marche ? Bah non, pas du tout. Ouais, je pense pas. Ouais. Tu passes le truc, quoi. Est-ce que toi, t'as déjà arrêté TikTok en disant Je pense que j'ai raison, créateur de vidéos. J'avoue, il a raison, je suis une merde. Attends, t'es dur avec toi, c'est moi. Bien, c'est ouais, bien. Bon. Ouais, il faut un peu de self-hate pour être un saltimbanque. Un peu de self-hate. Bidibip. Je précise qu'elle a mis son pouce sur son nez et qu'elle a agité les autres doigts. Bidibip. Qui est le nom de sa boîte, hein, d'ailleurs. chers amis, ça fait déjà une heure et demie qu'on parle. Qu'est-ce qu'on piaille, qu'est-ce qu'on tchatche. Mais en même temps, on se marre. On devrait s'excuser de ça. Non, je crois pas. Surtout pas. Nous allons passer aux recommandations culturelles. Donc, s'il y a des choses qui vous ont plu, que ce soit dans le domaine. Enfin, c'est de la culture. En gros, ça peut être de l'expo, ça peut être du cinéma, de la littérature, du théâtre, peu m'importe. C'est quoi ? J'en ai rien à foutre. T'en branles, quoi. Lucien Mène. Oui, j'ai un compte Insta. C'est un Américain qui fait de la peinture sur vitre pour les boutiques et tout ça. Et c'est ultra beau. En fait, c'est essentiellement de la typo, mais il le fait vraiment au pinceau à l'ancienne, quoi. C'est trop beau. Son compte, c'est Sunsigns. Oh putain, il est chiant à épeler, je vous préviens. je vous prie de m'excuser par avance. Sunsigns, donc c'est S-U-N-S-I-G-N-S. Okay. Point Saint Pete, S-T-P-E-T-E. Très donc bien. C'est les signes solaires de Saint-Pétersbourg, j'en sais rien. Bref, c'est un Américain et c'est trop beau ce qu'il fait. Et il poste souvent des vidéos de ses processus un peu accélérés. Donc c'est très satisfaisant à regarder. Je vois très bien. Et ma deuxième, c'est musicale et elle n'a pas du tout besoin de moi, mais je saigne ça, je l'écoute beaucoup. Angèle. Et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Non. Mais bien plus big même, puisque c'est international, c'est H-Nico. Ah oui! Ah, très bien. Qu'est-ce que ouais. C'est bien? Est-ce que c'est Lisa Villaret qui t'en a parlé? Non, c'est moi c'est alors j'avoue c'est la saison 2 d'Arcane, j'ai saigné la BO et il y a notamment un morceau avec H-Nico. OK. Et je me suis dit putain, j'aime trop comme elle chante et donc j'ai un peu digué et son album son deuxième album qui s'intitule je crois World Eater. Incroyable ouais. Et notamment le morceau Weed Killer, ça y est, et tout de suite on se retrouve avec Adrien pour la rubrique. Mais non, j'ai d'abord il y a l'horoscope, on j'ai m'écoute. Une citation d'H-Nico tatouée. Ah, laquelle? C'est de l'album d'avant. Mm-hmm. C'est I don't have the time to pretend you're funny. Mais oui, trop, et elle a des textes incroyables féministes. Ouais, elle, est et trop, avec, elle est marrante en plus. Et c'est des vrais punchlines dans le sens où c'est des coups de poing dans la gueule. Parfois c'est lyrics, et d'ailleurs, c'est trop bien quoi. T'es plein de coups là en fait. Ouais, j'en ai pris plein la gueule. Bah, ouais. Non, mais je te demandais pour Lisa j'adore. Parce que je lui ai fait découvrir et je suis pas peu fier. C'était son top 1 Spotify rap et tout. Et j'étais en mode. Mais en fait, les recos, ça marche quoi. C'est pour ça que vous en faites. Elle est trop forte. Et H-Nico, elle est incroyable. Et j'aime beaucoup cette génération un peu récente parce que je crois qu'elle est jeune. H-Nico, elle doit avoir 25 ans quoi. Et c'est vraiment, c'est un peu rap, dark pop entre guillemets. Et bah dans les prods parfois t'as des grosses grattes de métal qui viennent faire des bacs okay. Sur une prod qui est un peu genre édulcorée machin. Ouais, c'est chambé, c'est vraiment c'est hyper bien. Et elle chante ultra bien. Rythmiquement elle est trop forte, enfin vraiment elle est tueuse quoi, elle a tout pour c'est elle. Très bien vendu. Voilà. Mais vous avez une écoute, j'ai envie de me mettre ça dans les esgourdes, je vous le dis tout de suite. Bah tu vas pas bouder Weed ton Killer, plaisir. Killer, elle est dans ma playlist de si un jour j'ai un spectacle, regardez, il y a toutes les chansons que peut-être ce sera ça dans le spectacle. Bah ouais, Weed voilà. Killer, elle est incroyable. Et voilà. Mais j'adore ce spectacle. Ça gratte, c'est un gratton. C'est une envie d'avoir un vrai spectacle entier. Mon objectif ce serait de roder à partir d'octobre et je le dis là comme ça je suis obligé de l'écrire. Allez, vas-y. Le rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Il me chope, il sait, je suis devenu animateur. Adrien Méniel. Oui, moi c'est une chaîne YouTube, un mec qui s'appelle Détective Renan. Ça n'a rien à voir, je pense que c'est juste un jeu de mots avec Détective Conan. Connard, détective. Ouais. Ah. Non, Détective Conan, le manga, Détective ou animé, enfin bref. Mais ça n'a rien à voir avec le métier de détective. Et, en gros, là il fait une série de vidéos. Mmh. Où il fait Paris-Tokyo en voiture. Ok. Donc un immense road trip où il traverse toute l'Europe. Et il est tout seul. Il est tout seul. Wow. Pour ajouter un petit peu de sel au défi, il le fait avec une vieille bagnole genre. Il le fait les yeux bandés. Une vieille Peugeot qui, enfin la vidéo démarre, il l'emmène chez le garagiste et le mec est genre ouf. Elle va faire 100 km. Genre acheter une nouvelle. Non mais limite, il y a des trucs qui tiennent avec du scotch et tout. Enfin c'est vraiment. Il fait bon allez, j'y vais et tout. Let's et, go. Et du coup bah il filme et donc du coup bah là je crois que c'est il en est à la quatrième vidéo au moment où je parle, donc il est toujours en Europe mais bon il traverse l'Europe et c'est tout à fait le genre de truc que j'aime bien regarder en plus les vidéos sont assez longues. Et est-ce qu'il s'adresse à la caméra ou est-ce que c'est comme les vidéos Bushcraft où tu le vois faire des trucs et il y a pas de non, musique, il y a pas de... il parle à la caméra et puis on voit bah du coup on découvre des trucs notamment aussi il aime bien s'arrêter dans les parcs d'attractions qui croisent pour donc des fois il y a juste des séquences où il est dans les parcs d'attractions et tu vois des parcs d'attractions dans des pays et c'est en ce moment il est en train de là faire il est en train de le faire là c'est, enfin à moins que je dise une connerie mais ou alors il l'a fait j'en sais rien j'avoue non je crois qu'il est en train de d'accord. Parce qu'il y a une vidéo où il dit ah j'ai reçu plein de commentaires qui disent ça donc il réagit, c'est en temps réel du coup. Et comment s'appelle-t-il? Détective Renan, R-E-N-A-N. Okay. Et du coup c'est ça, c'est assez chouette. Il est français. Ouais, bien sûr, il est français. Il part de Paris. Il va, il pourrait ne pas être français en partant de Paris, mais là il l'est. Et du coup voilà, je trouve ça. Je trouve ça. Et les vidéos en moyenne, elles font combien de temps? Je ne saurais pas plus. De 40 minutes, la dernière fait quand même une heure. Donc, ouais, ouais. Voilà, okay, c'est assez long. C'est des, voilà, okay, c'est ouais. Il aurait pu découper. C'est pas en... une pause déj, quoi. Non. Mais non, c'est vraiment. Voilà, c'est chouette. Cool. Trop bien. Et du coup, tu vois aussi toutes les galères parce que, évidemment. Sa voiture tombe en panne. Elle a pas passé le contrôle technique. Voilà, il a des galères avec. Le scotch. Le joint de culasse, tout ça. Mais c'est aussi très cool de voir les gens qu'il rencontre sur le chemin, qui sont sympas, qui sont généreux et tout. Il y a notamment, je sais pas si vous. Parce que là, dans la dernière vidéo, je spoil un peu. Non mais, il est en Turquie. Et je sais pas si vous voyez le mème du le Turc avec une moustache qui fait des petits c'est dur avec une espèce de coupe qui fait des TikTok où il fait des petits sourires charmeurs il va voir ce mec. C'est un petit spoil, mais il y a un côté tant pis, je le dis. Du coup, je viens de le dire de toute façon. Mais en gros, il va le voir dans son parce qu'il bosse dans un magasin ce mec. Ouais, ouais. Du coup, il va le voir, il dit putain, j'espère que je vais le voir et tout. Et donc il y a une séquence où il fait il est là. Et du coup il va lui parler et le gars l'invite à déjeuner. Donc du coup il déjeune avec le mec avec le gars qui fait des petits sourires malicieux. J'adore. C'est ça. Ma nièce de 8 ans a imité a fait une vidéo entière de 3 minutes où elle l'imite et j'adore. Et du coup c'est trop bien. Et évidemment, il croise aussi des gens inconnus qui sont très sympas, qui sont hyper qui lui offrent l'hospitalité et tout. Enfin c'est trop assez chouette à regarder. Donc formidable. Voilà. Tu peux redire le nom ? Détective Renan, R E N A N. Et détective comme un bon vieux détective privé qui n'a rien à voir dont l'enquête piétinait. J'ai envie de vous dire. Et quant à moi, je vous propose un film qui est sur Canal en ce moment qui s'appelle Une affaire de principe, réalisé par Antoine Rimbaud. C'est un film avec Boulay Lanner, c'est Thomas VDB entre autres, et c'est un film sur une José Bové, non? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Boulay Lanner, déjà, je pourrais vous dire Boulay Lanner joue José Bové, et normalement, j'ai pas besoin de dire grand chose d'autre. C'est vraiment un de mes acteurs préférés, Boulay Lanner. J'adore ce mec. Et là, en gros, c'est. Il était dans. Tiens, regarde, je l'affiche. Il était dans Nous les Rois. C'est tu vois. C'est bon. Quel... Il était dans La Nuit du 12. Oui, voilà, entre autres. J'ai pas aimé. Bien sûr. Non, mais il est dans plein de films super et tout. J'aime beaucoup ce mec. C'est dans quel film où. Putain. Il a fait beaucoup de Carvin de Delépine. Ouais, c'est ça, mais il y en a un où il chante Sunny. Ouais. Il en est vraiment pas mal. Puis il est dans la série. Il est super aussi dans la série Hippocrate. Ouais. Avec Alice Belaïdi et Louise Bourgoin. Mais bref, là ça s'appelle Une affaire de principe. Et en gros, c'est sur une histoire que moi je connaissais pas du tout. L'affaire John Daly, qui est en gros un. Dali. Salvador Dali. Autant pour moi. Non, mais c'est en gros, c'est toute une histoire avec ce qu'on appelle l'OLAF, donc qui est en gros les services secrets européens, sur une histoire de lobby de cigarettes. Oldelaf, la chanson là. Ouais, le gars qui chante avec la guitare et tout. Moi j'allais dire Olaf, le petit personnage. De la Reine des Neiges. Mais écoutez, c'est tout simplement Oldelaf et Salvador Dali. Donc je peux pas vous dire qui fume des clopes pendant une heure et demie. Et c'est Boulay Lanner, Old Dali bastard. Non mais voilà, bon, j'arriverai pas à aller au bout. Lord Dali, dans la bonne. Lord Dali, oui. On est évidemment sur autre chose. Un autre cigarette. Non mais c'est moi j'aime bien parce que c'est un peu des films d'enquête. Ah j'adore. Et moi j'aime bien les films d'enquête, surtout quand c'est pas des films d'enquête avec des flics, mais plutôt des films journalistes. Ah ouais, journalistes, lobby, des magistrats, des mecs qui seraient effectivement. Et voilà, moi je ne connaissais pas cette histoire, donc mais ça a l'air cool. Ouais, non, c'est vraiment blague cool. À part. Je parle blague à part. Donc, Thomas VDB est vraiment trop bien dedans. Il n'a aucune blague, quoi. Il joue pas du tout un personnage. C'est pas comique, ça m'intrigue. Non, c'est pas. Ah, c'est son chat au pantin. C'est son chat au pantin. C'est mon chat au pantin, mon gars. C'est littéralement le chat au pantin. Ça qui est bizarre, c'est-à-dire qu'il a Christian Anconina, il mêle plein des bagnoles et vraiment c'est. T'as dit Christian Anconina ou je rêve ? Non, j'ai dit Richard. Ah ouais, ok, d'accord. Non, tu confonds avec Christian Clavier, qui est un autre acteur. Oui, ok. Exactement. Pourquoi on arrête cette émission? C'est long, mais Francky est retourné sur le canapé, donc maintenant je peux tout aller partir. Il est avec nous. Marie de Breuer. Oui. Quelle est ta petite recommandation? Ma petite recommandation, c'est le dernier spectacle capté de Nikki Glaser. Ok. Et c'est Nikki Glaser tout entière que je recommande. Ouais, cet humain, je l'aime beaucoup. Son spectacle s'appelle Someday You'll Die. Ouais. Déjà excellent titre. D'ailleurs tous les titres, moi qui suis en train d'écrire un spectacle, j'essaye de trouver un spectacle pour moi, je ne trouve que des titres géniaux en anglais et que de la merde en français. Je te propose Oiseau en V si tu c'est une bonne idée. Ça, c'est pas mal, moi, j'aime. On a quand même fait une réunion avec j'ai écrit avec Étienne Lautrette et Xavier Cuevas et on a passé 2 heures à dire bon, ça pourrait être quoi le titre. Le titre Le goût des chips a été pris premier degré par quelqu'un et j'ai dit Jamais de ma vie. Ah, Marie de Bruyère dans Le Goût des Chips. Non, me dis pas. Ah, ça va engrainer ouais, les pas. Gens. Ça sera le titre de rodage. Le Goût des Chips. Le Goût des Chips. Alors que, est-ce que je parle de chips une seule fois, mais pas du tout. Ah oui, d'accord. Ça n'a aucun rapport. Parce que pour moi, c'était un petit callback vers un passage émouvant du spectacle. Non, pour moi, c'était un spectacle d'1h30 sur les chips. Et je ne cache pas ma déception. Sachant que Étienne a un sketch sur les chips. Ah, bah c'est lui. Est-ce que ce serait pas Étienne qui aurait proposé cette idée premier degré? Enfin, il n'avait pas bossé, il a pris les notes pour son spectacle à lui. Il était dans ses notes d'iPhone pour son spectacle à lui. Il a dit attends, Le Goût des Chips, c'est pas mal. La petite vie d'Étienne comme titre de ton spectacle. Attends, Étienne, t'as bossé? Étienne joue à la loge tous les samedis comme titre de spectacle. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Étienne? À 18h. Allez hop. Le Sud-Ouest, là. Comme non spectacle, non. Et donc, attendez, parce que Nikki Glaser, oui, pardon. elle est vraiment Someday géniale. Someday You'll Die est trop trop bien. Moi, c'est une humoriste que j'aime trop. Pour les gens qui n'ont pas trop la ref, peut-être que vous l'avez vu dans son monologue aux Golden Globes et tout. Ouais. Et genre, c'est vraiment une meuf, quand je la vois, je suis en mode putain. Ah, oh, je genre déjà j'aime que les meufs humoristes en vrai. Enfin, j'aime bien les garçons, mais je préfère vraiment les meufs. Et c'est pas comme ça qu'on est traité dans le stand-up. En tout cas, en France, c'est vraiment hyper boys club. Il y a plein de mecs qui sont médiocres de ouf et ils sont en mode ouais trop bien, on est tous potes, on joue mille fois. Alors que les meufs, on a un peu les petites merdes à côté, tu vois. Et ça me saoule. Donc riez aux blagues des meufs, regardez les spectacles des meufs. Et quand on voit une Nikki Glaser qui genre présente les Golden Globes, elle est trop badass. Elle est en mode à moitié à Walp à dire des blagues de cul trop trash et tout. Je suis trop contente, quoi. Genre, ça me remplit de joie. C'est une très forte roasteuse aussi. Elle fait des roasts. Et elle est très très marrante. Et elle avait même fait les Historical Roast, qui est un truc qu'avait fait sur Netflix, je crois, Jeff Ross, qui sont en fait des faux roasts de personnalités historiques. Ouais. Et elle avait fait Kurt Cobain. Et c'était très marrant. Ah, du coup, il y avait beaucoup de blagues très vénères sur Kurt Cobain. Elle est vraiment très très drôle. Hein. Elle est très marrante. Et elle écrit quasi toute seule. Enfin, genre, c'est vraiment une bête. Et elle est suivie par des millions de gens, elle a présenté des émissions, enfin, c'est vraiment une énorme star aux États-Unis. Ah oui, alors qu'en ouf, plus, ouf, par rapport à ce qu'elle dit, enfin, il y a vraiment ce truc où moi parfois je vais en plateau de stand-up et c'est en mode elle a parlé de Zizi, et moi je suis là, elle parle de Zizi devant des millions de gens, quoi. Ouais. Et bref, je l'aime vraiment. Et de manière générale, vraiment, regarder des humoristes meufs, je vous jure qu'on est drôles, les filles, je vous jure. Je suis sorti, moi, alors j'en profite pour lui faire un shout-out. Alors ça fait shout-out entre soi, mais en même temps, j'ai vraiment adoré le spectacle. Moi, j'ai vu Morgane là, Cadignan. Oui, j'ai pas encore vu. C'est super. Okay. J'ai adoré. Vraiment. Trop bien. Moi, j'avais vu le premier sur Canal parce que je sors peu. Et là, je me suis sorti les doigts du cul pour y aller. Et vraiment, c'est très, très, très, très. Il y avait Étienne en première partie d'ailleurs. Et c'est vraiment très, très, très drôle. En pépé. Et non, Morgane, elle est trop forte. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'elle interprète aussi vachement bien. C'est-à-dire que, en fait, vu qu'elle écrit très, très bien, moi, je m'étais arrêté. Enfin, je sais qu'elle fait bien, mais je l'avais jamais vu jouer des persos, par exemple. Ouais. Donc, sur scène, elle se permet ça et elle le fait trop bien. Donc, c'était trop cool bien. De la découvrir aussi comme ça. C'est pas que une très bonne plume, c'est une très bonne interprète. Pas beaucoup de défauts, Morgane. Non, elle est forte, on l'adore. Hein. Morgane Cadignan. Après, est qu'elle a rajouté des dates. Elle a des vices, mais bon, ça faut pas. Ah oui, parler. Mais ça, tout le monde en a. Qui suis-je pour juger? Elle chie dans des sacs à main. Bon, bah voilà. Mais j'en profite pour une mini reco en plus, du coup, Camille Fievez, humoriste, qui n'a pas encore son spectacle. Mais elle n'a pas de spectacle. Mais ça ne saurait te tarder. Très drôle. Et elle est hilarante et voilà, bref, elle est super. Trop bien. C'est trop bien l'humour. C'est génial. Marocco, l'humour. Rire. Mais l'humour, cela dit, j'imagine, et les femmes. Sauf à mon enterrement. L'humour et les femmes, c'est Marocco. La femme. L'humour et la femme, c'est Marocco. Les petites nénettes. Ouais. Justement, Marie de Brouwer, tu as le Random Comedy Club. Oui, la Random Family désormais. Tu peux mettre des gens en avant. C'est les mercredis, c'est ça? C'est les mercredis au Jamel à 20h. Et donc c'est toi, t'es pas toute seule, c'est avec Guigui Pop et Étienne Lautrette. C'est ça. Et on invite à chaque fois trois autres personnes. C'est ça. De la Random Family. Et parfois, on essaie de mettre des gens, par exemple Xavier Cuevas, dont j'ai parlé, avec qui j'écris, qui depuis quelques mois a commencé à intégrer la bande quoi, de Joyeux Luron. Ouais. Et franchement, c'est tout le temps une bête de soirée, on rigole trop bien et c'est un super lieu où jouer, c'est un beau spectacle, donc vraiment venez, c'est trop, trop cool. Magnifique, et donc toi tu rôdes en ce moment plein exactement. De blagues, tu crées ton spectacle. En exactement. Gros, génial. C'est ce qui se passe. Et donc et je le fais beaucoup là-bas. C'est ça, et effectivement, t'as aussi des podcasts, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, oui. Donc c'est Tchatcheuse. Tchatcheuse, tout à fait. Tout à fait. Que, t'as une, pardon, une récurrence ou c'est un peu quand c'est ça toutes vient. Les semaines. C'est ça. T'as ouais. Un jour dans la semaine ou c'est. C'est le vendredi. C'est le vendredi. Je parle avec des gens, je parle toute seule. Et parfois, c'est bien ce format, moi j'aime bien. Ouais moi j'aime beaucoup aussi. Quand je parle toute seule ou quand je parle. Non, le fait de faire les deux. Je suis pas débile quand je parle toute seule, parce qu'une fois sur deux, j'ai l'impression que je dis de la merde. Moi je me tâte même à faire un jour un podcast. Il faut, je t'en conjure. Moi, tu pourrais le faire sur la plateforme Studio 10. Oh là là, attention. Oh le segway. Oh le segway. Ah bah oui, là on va dire un gros truc là. Il est très fort. Ouais. Lucien Mène. Oui, bonsoir. Donc, il y a effectivement le crowdfunding. Pourquoi? Oui, en ce moment, parce c'est sur Ulule. Exactement. Tout à fait. Bah pour oui, la suite oui, de oui. La Bonne Auberge, parce qu'effectivement, vous avez fêté la fin, je peux dire, de la saison 1. Alors, j'ai de pas la campagne 1. La campagne 1, oui. Pardon, excusez-moi. Ouais, grave. Sur, au Grand Rex. Et voilà, puis, en grande pompe, ça a été rempli. Incroyable. À craquer, c'était non, sublime. C'était pas à craquer, mais il y avait 2000 personnes pour c'est venir déjà... nous voir jouer à Donjons et Dragons. C'est quand même incroyable. C'est fou, quand même déjà. Fou. Une grande fête. C'est pour ça. Nous. Et donc, vous avez lancé un financement participatif ouais, de la prochaine partie. Oui. Mais avec énormément de choses. Alors, j'ai pas ouais. Toute la liste. Je te laisse. Bah alors, c'est parce que pour l'instant, on n'a même pas encore tout révélé ce qu'on a prévu de faire. Mais en gros, donc, le financement, là, c'est pour. La locomotive un peu du truc, c'est la campagne 2, effectivement. Donc, on va rester dans le même monde. On va continuer avec le même cast, plus deux nouvelles personnes, à savoir PV Nova et Lou Howard. En plus de, donc, en plus Max de Mammouth, Adrien, Lisa Max Villaret. Mammouth, Lisa Villaret et Pénélope Bagieux. Et Adrien, que vous connaissez bien, parce qu'il y a plein d'auditoristes du Floodcast qui sont venus écouter et regarder La Bonne Auberge. Et donc, et oui, merci, on en merci en partage pour beaucoup. Ces passe-dés. Ouais. Ça non, fait, non, ça fait bien partage, plaisir. Et donc, il y a en plus de ces quatre personnes qui nous ont régalé pendant quatre saisons, on a maintenant. Dans le cast régulier PV et Lou qui viennent super. Nous rejoindre et on est trop trop content de les accueillir. On va faire une saison 2 pour D&D Drags, donc c'est, ça c'est notre show D&D 100% cast drag okay. Drag queen et king parce okay. Qu'on a un king et voilà et on va faire aussi une saison 2 pour Chronokinésie où là c'est une petite campagne enfin je dis petite parce que c'est format plus court et c'est ouais. Cyberpunk, donc c'est pour les gens qui connaissent oui, vous un faites petit un peu, peu c'est... plein de choses différentes et en fait là, c'est ça. Ça c'est ce qu'on a pour l'instant révélé et ouais. Il y en aura encore bien plus on va révéler au fur et à mesure et le gros projet c'est la plateforme, on va faire une alors, plateforme VOD. Est-ce que tu peux expliquer ouais. Comment ça fonctionne ce truc? On va lancer en fait un Netflix. C'est ça. Ouais, en fait, c'est le Netflix un peu des geeks, quoi, des nerds. Ouais. C'est le projet vaste dans lequel on se lance là. Et en fait, on s'est rendu compte que, en regardant les chiffres sur YouTube, par exemple, ouais. En 2 ans et demi de publication, et on a pas mal d'heures de visionnage, on a quand même quelques abonnés et tout. Ouais. 22 000 euros en 2 ans et demi. D'accord, ça nous a rapporté okay. 22 000 euros. C'est peu. C'est très très voilà. Peu par rapport à l'argent qu'on met à la production. Bien sûr. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça changer ça. Et puis ouais. En plus, ça va aussi dans la poche des GAFA. Oui, c'est ça. Voilà. C'est aussi s'affranchir. Donc, on veut s'affranchir d'entreprises qui sont possédées par des milliardaires qui précipitent le monde dans les chiottes, globalement. Et on a envie d'une, se rémunérer correctement. Pas d'être ultra riche et de baiser le monde, d'être aujourd'hui Donjons et Dragons, de toute façon c'est pas prévu, oui voilà c'est, oui, c'est voilà, ça voilà. C'est pas le projet ouais. Genre, c'est du tout ouais. D'une ça de se rémunérer correctement et rémunérer les gens qui travaillent avec nous correctement et de deux de moins enrichir les gens qui ont déjà beaucoup beaucoup trop d'argent ouais, donc c'est le projet de la plateforme. On essaye de la faire pas chère du tout, c'est-à-dire que la première échelle je de contribution on est un peu de gauche, première échelle de contribution elle est à 30 euros. Et ouais. Vous avez un abonnement inclus pour un an. Ok. Ça va, ça ouais, fait ouais. 2,50€ le mois, c'est ouais, pas très cher. C'est quoi. Cool. Et donc, les gens qui ne peuvent pas se le permettre, aucun problème, bien et sûr. On ne va jamais vous jeter la pierre. On va penser à des solutions pour tout le monde. Mmh. Mais voilà. Et les épisodes de La Bonne Auberge seront toujours visibles en live gratuitement le dimanche. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est ça. C'est juste pour les replays, pour les VOD, si vous voulez consommer le contenu quand vous voulez, à ouais. La carte et sans pub, ouais. Et dans une meilleure qualité que sur YouTube. Pardon, je fais un peu mon VRP, mais non, ça sera mais sur la plateforme. Et oui, aussi, c'est derrière un paywall, comme on dit, mais ouais. Bon, c'est une manière de mieux. Que ce soit plus fair pour tout le monde. Sachant qu'il sera possible d'offrir des ouais, abonnements, donc comme sur Twitch en fait finalement. Si vous connaissez des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement, ouais. Vous pouvez, à la manière de Twitch, en offrir, exactement. Etc. Donc, exactement, voilà. Et, prendre, et même pour la contribution à 30 euros qui vous donnera un abonnement à l'année, donc c'est moins cher que ce qui sera le prix mensuel normalement. Mmh. Ça aussi, vous pouvez le prendre 2-3 fois pendant le Ulule, et ensuite, on vous enverra un code par contrepartie, et vous pouvez très bien l'envoyer à un pote et c'est lui qui active, ou une pote, et c'est lui ou elle qui active avec son email son compte. Donc voilà. Oh bah, trop bien. Est-ce qu'on peut dire que la, un peu la référence, c'est la plateforme Dropout un complètement, voilà. Oui, c'est une inspiration. Je sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme qui a été créée par les anciens de College Humor, anciens et anciennes de College Humor, et qui ont lancé leur plateforme Dropout, où il y a, parce que c'est aussi, je sais pas si tu l'as dit, mais l'idée c'est de faire pas que du contenu. Je l'ai pas encore dit, Purement, mais on peut dire qu'il y aura pas que du contenu. Ça sera pas que du jeu de rôle et du truc purement geek. Il y aura, ça sera très large le contenu. C'est ça. De la même manière, alors je ne dis pas que le contenu va coller à la lettre à Dropout, mais sur Dropout, c'est la plateforme où il y a par exemple le jeu Game Changer qui est génial. Formidable. Le jeu Actually, il y a aussi des campagnes de jeux de rôle sur Dropout, etc. C'est un peu ça l'idée. C'est notre modèle. C'est pas que des trucs de geek, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est plus large que ça l'idée. C'est que ça inclut des trucs de jeux de rôle, etc., mais que ce soit aussi des trucs c'est plus large que juste des trucs de nerd, complètement. En fait, c'est on veut rassembler tout ce que nous on adore, c'est-à-dire le jeu de rôle, les cultures un peu de l'imaginaire et le fantastique et tout ça, mais aussi nous on a envie de faire des émissions avec beaucoup d'impro, de faire des concepts où on invite des humoristes et des gens qui sont forts et qui vont vite et qui sont marrants et marrantes. D'ailleurs, on fera du montage évidemment pour que ce soit rythmé et que ce soit bien et qu'on ne garde que quand c'est super. Et on a très envie de faire ça. On va faire des podcasts filmés aussi. C'était ça un petit peu ma petite. Si Adrien a envie, nous on sera trop contents de l'inclure à notre bouquet. Et d'ailleurs, il y a plein de gens avec qui on a envie de développer des choses et de proposer, etc., etc. On est en discussion avec plein de personnes très créatives et super. Donc si on googlise la bonne auberge et Ulule, normalement on tombe directement sur la page et vous pouvez, tout est très bien expliqué. D'ailleurs moi j'ai googlé Ulule et la proposition c'était Ulule la bonne auberge. Sachant que c'était pas à mon historique de recherche perso. Ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que la campagne se passe bien, mais le rêve c'est que ça se passe encore mieux parce que vous avez plein d'envie et que c'est toujours cool. Complètement. Et en plus vous avez l'abonnement direct, donc en fait c'est plutôt cool. Bah oui, c'est ça. Ça paiera aussi les obsèques de Lucien. C'est un des paliers. Si on continue à ce rythme là, quand tu seras mort, d'ici 2-3 semaines. À chaque don, n'oubliez pas de lui rappeler qu'il va mourir. Allez, c'est en commentaire, Ulule. Si ça vous fait contribuer, je suis chaud. Il y a pas de problème. Bon bah trop bien, Adrien, ça écrit toujours. Bah, de toute façon, t'es assez impliqué aussi dans cette campagne, mine de rien, puisque ça te concerne directement. On va faire quelques lives. Assez le karaoké la semaine prochaine, notamment, et on va bien rigoler. Ah bah si vous voulez voir du Adrien qui a mis toute son énergie dans un truc. Les karaokés de la bonne auberge, c'est toujours quelque toujours chose. Toute mon à la fin, il a pas de voix, il a plus de voix parce qu'il s'est trop donné. Il donne trop. Il parle avec son cœur. Il a trop donné bien avant l'envie, c'est ça qui est assez fou. C'est ça. Ouais. J'allais dire, je pourrais chanter la chanson du génie d'ailleurs pour raccrocher les wagons. Enfoiré de merde. Enfoiré de merde. Allez, c'est parti. Écoutez, quittons-nous là-dessus. Moi, ça va très bien. Salut tout le monde. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.